les soirs, 20h-23h, Mickaël sur Goom Radio. Exact, on est là comme tous les soirs. Bonsoir tout le monde, entre 20h et 23h, ça y est, c'est reparti. Comment ça va? Ça va. En forme? Passez une bonne journée. Ouais. Ça fait quoi de beau? Bah avec Cécile, on est allé voir Travis McCoy et Bruno Mars. Ah bah ça va, tranquille. Chanceuse. Ça va pas, c'était génial. Comme ça claque ça. T'imagines, t'as fait quoi cet après-midi? J'étais avec Bruce Willis, tranquille. Bien sûr. Oh bah là, il y avait pas non plus. Non mais c'était très sympa. Bah, Bruno Mars. Petit mais sympa. Il est petit, mignon. Ah bah attends, mais dans son clip, tu le vois grand avec le chapeau. Mais tu sais que, alors sinon, j'ai jamais vu la gueule du mec. Je pensais que c'était le sosie de Will Smith. Hein. Ah bah moi je crois que c'était. T'étais là-bas aussi? Non, pas trop. Par rapport à la voix? Ouais. Tu sais, quand tu t'entends une voix comme ça, c'est. Ouais, je sais pas. Mais il est mignon, hein, mais il est petit, quoi. Bah il est. J'étais encore rouge comme un homard. Et d'ailleurs, je lui dis, je suis rouge comme un homard parce que je déteste parler anglais. Il aime pas parler ma langue. Waouh, ça c'est gentil. Non, ça. Je déteste pas. J'ai honte. Je lui dis, j'ai honte. Je suis mal à l'aise, quoi. Non, il lui a dit, tu as un très bon anglais. Ouais. Et j'aime beaucoup parler avec toi. Et t'as été faire quoi là-bas qui parle pas anglais? Non, mais j'ai parlé juste un peu pour la déco. J'ai fait quelques questions avec Emily et après j'ai pris des photos. D'accord, ok. Écoute, c'est déjà ça. Alors très bien. Cécile a apporté de café à Emily là. Une petite tasse. Non, ils étaient super sympas. Surtout Travis McCoy. Bon, bah très bien. Ils sont en concert en l'occurrence. On a des places à vous filer donc. Pour Travis McCoy et Bruno Mars, voilà, il y a également des places à vous filer pour Sum 41 et donc tout ça c'est à gagner ce soir avec Vincent qui est au standard au 01 55 64 13 24 01 55 64 13 24. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis au niveau déjà comment va Pierre aussi ce soir, en pleine forme? Pleine forme. Bon. Fou là. Eh bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Des appels coquins aujourd'hui? Alors un appel de développement durable. Non, j'ai pas le j'en ai quelques-uns après là, il faut que j'en fasse un. D'accord. Ah oui, entre c'est ça, d'accord, OK. Midi, il a dit. On va plutôt faire ça à ce moment-là alors, d'accord. Bon, Mika aussi va bien, j'ai pas posé la question. Oh, ouais. Ça y est, sa chemise 3D, mais t'en as deux ou quoi les chemises? Non, j'en ai qu'une seule et je la mets tous les deux jours. Bah souvent hein. J'allais dire ouais, souvent. Arrête, pêcheur, très souvent même. Il trouvait trop qu'il était trop mignon, hein, je trouve. Ouais, je pense avoir fait un petit délire et tout, j'ai un rendez-vous mais après. Mais ça te va bien, c'est pas pour autant. Attends, on repart après, ça y est. Chez moi vite alors avant, c'est ça? Ah bah ouais, okay, là concrètement bien. Il va falloir y aller, effectivement, je te confirme. Non, la chemise est très belle. En plus, il a mis du fond de teint, Mika. Là. Bah non. T'as rendez-vous, on dirait que t'as une peau avec du fond de teint. J'ai rendez-vous avec un mec, j'ai craqué. Avec un mec, ça y est. Coming out, ça y est, c'est fait, ouais. Avec Bruno. Mais hier, rappelons-le, hein, Mika nous a avoué que ça le dérangeait pas d'embrasser sur la bouche ses meilleurs amis. C'est vrai, effectivement. J'ai pas parlé de ça, ça me traumatise. Non, c'est vrai, il faut le rappeler. Il y a Tania qui dit Mika, il faut le relooker. Bon, cool. Sympa. Il y a Alexandra qui dit oh my god, demain c'est la rentrée. Oui, bah pour une courte durée, puisque jeudi prochain c'est nouveau congé. Donc, mais c'est bizarre de reprendre un jeudi. Mais je suis assez d'accord. Elle fait quoi? La rentrée de quoi? Mais la rentrée des classes, des vacances de la Toussaint. C'était les vacances de la Toussaint là. C'est trop. Ah d'accord. Jusqu'à aujourd'hui inclus. On a comme les grandes vacances d'été, Émilie. Voilà. Je comprenais. On en a mais attends, mais ils foutent jamais rien, ça. Non, mais c'était les grandes vacances du début de l'automne. C'est ça. Et puis après, il y aura le 11 novembre, ce sera les vacances du milieu du mois de novembre. Et puis après, on arrivera aux vacances d'hiver. Puis après, les vacances de l'après-hiver, mais pas encore du printemps. Ouais, je pense qu'il faut leur rallonger le week-end aussi. Et puis les vacances du printemps. Ouais, bah oui, bien sûr. Les vacances du début du printemps, mais quand il commence à faire beau. Ouais. Voilà. Et puis après, t'as les vacances du début de l'été. Bah, évidemment. J'ai oublié la fin du printemps. Et puis après, le début de l'été. Et puis après, alors l'été. Oh, bah, l'été, c'est 2 mois. Ah, voilà, c'est 3 mois. À la fac, c'est 4 mois, je crois. Parce que 21 juin ou 21 septembre. Ouais, tu quittes en mai et tu reprends en octobre. Ouais, c'est ça. Jamais tu reprends. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Il y a aussi la photo d'Elisabeth qui est belle. Ah oui, on l'a vu, elle est sur Facebook, Elisabeth. Ça y est, elle est ouvertement sur Facebook. Ah, mais en revanche. Je croyais que c'est la cousine de Gilbert Montagny. Oh non. En revanche, Elisabeth, je t'adore, mais si tu continues à publier sur mon mur toutes les 18 minutes, je pense que je vais être obligée de t'enlever de mes amis. Hein. Oh, parce que déjà que je suis au fond c'est méchant ça. Bah, d'ailleurs, il y a Mika qui est sur la page d'Elisabeth. Je vais lui mettre un petit cœur. Et tu vois, mon imaginaire ne m'a pas trompé. Pourquoi? Parce que dans mon imagination, elle avait exactement cette tête. Ah ouais, je te promets. Bon, un peu plus jeune parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait 26 ans. Ouais, elle est traquée, ton imagination. Mais non, mais elle avait cette tête. Elle est née en 85, soit disant le 4 décembre 85. Elisabeth. Ouais, 65 en fait, hein, je crois. Ouais, je ouais, pas sûr encore Elisabeth, hein, j'aimerais bien une copie de ta carte d'identité, une photo. Ah. Si tu peux nous l'envoyer, ce serait cool. Et son nom de famille est son nom de famille est très joli. Oui, aussi effectivement, bah voilà. Bonacera. Bah, s'il veut dire bonne nuit en italien en fait. Hein. Ouais, ça veut dire elle est bonne et elle est pas chère. Donc aussi ouais. Ça veut dire quoi alors? Buonasera, c'est bonsoir ou bonne soirée. Bonne nuit en italien, mais pas bonacera. Non, mais c'est pas grave, on est en France, van, ici, c'était à vannes. Oh là là. Ah bah il y a deux choses que je déteste, c'est les clafoutis et expliquer les vannes. Alors, ouais. Méfie-toi. Non, mais jamais un clafoutis, j'ai pas de depuis qu'il a son pull avec un col V, là. Ah. Alors, ça y est, hein. On peut plus faire de vannes. C'est non, ça. On lui a offert il y a 10 ans, en fait. Ouais, j'ai bon, toutes les vestes. Tu es pas loin en plus, il a 6 ans celui-là. Il met des dates sur les étiquettes. Bah, il est énorme. Mais c'est Nicolas, 94. Non, mais sa mère, quand il est monté sur Paris, il a mis son nom sur tous ses pulls. En plus, c'est vrai, c'est pas des conneries. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et t'as ton nom sur ta valise? Ouais. Mais ça, c'est normal à la limite. Ah, pour prendre le train, non. Non, bah si, t'es obligé maintenant. Il demande de le faire. Bah, moi, je l'ai jamais fait ça. Moi non plus, j'ai jamais fait. Non, mais après, ça, c'est une chose. Ça, c'est autre chose, mais il faut le faire. Je peux pas parler. En théorie, il faut le faire, ouais. Après, c'est vous qui gérez, hein, cela dit, hein, mais bon. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce soir, pas mal de choses. On mettra, du son, évidemment, avec Katy Perry. Il y aura également, Rebaddy avec Do It On My Own. On aura l'occasion de passer Rihanna aussi avec Only Girl. On passera Martha Solveig. Il y aura École aussi, Angel, Bruno Mars, bah, justement, on en parlait tout à l'heure. Shakira. On passera le nouveau son des Black Eyed Peas aussi. Il y aura My Chemical Romance. Peut-être le vieux My Chemical Romance. Oh, j'aimerais bien Teenager, moi. Ouais, bah, non. Maman. Attends, laisse-moi réfléchir. Bah non. Et en plus, tu vas reposter le teaser pour encore plus m'énerver. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah bah ouais. Ouais, t'es un gros sadique, mec. Katy Perry, je peux vous dire un truc, parce que j'ai eu, parce que Travis McCoy, il était trop sympa et tout, mais il m'a parlé pendant un quart d'heure, enfin, il nous a parlé pendant un quart d'heure de Katy Perry, enfin, de son ex, ouais, entre guillemets, genre qu'il avait foutu au fond du seau et tout. Et pendant un quart d'heure, il se rappelait de le temps qu'il a mis à l'oublier et tout, et c'était trop drôle parce qu'on savait que c'était Katy Perry, quoi, mais il disait pas son nom. Et tout ça en fumant sa clope, et donc il fumait sa clope, et il poussait comme ça la fumée dans la gueule d'Emily. Mais Emily, vraiment, on se regardait, on avait envie d'allumer une clope, et on s'est dit non. Et moi, restons professionnels, donc on s'allume une patate. Je leur ai mis une patate. Ah, moi, ça m'a fait rire, j'aspirais comme ça. Quelle horreur. Mais c'est pas poli, ça. Oh là là là. Annick Mickey aurait aspiré la fumée en se disant ouais, c'est de fumer à un contact un moment ou un autre avec Katy Perry. Ah bah exactement. Voilà, il y a quelque chose. Vu comment il en parlait, t'avais même pas envie de prononcer le nom, en fait, hein, de non, mais tu sais, c'est sexuel, comme on crache la fumée, donc à mon avis, vous voulez te baiser. Peut-être. Ouais, mais je pense aussi. Franchement, hein. Katy Perry. Alors que Bruno Mars, c'est très très dur. C'est bien bas, là. Ah ouais, c'est drôle, ça. Non, mais c'est pas drôle. C'est que j'ai trahi McCoy. Ah non, mais je m'en fous, moi je l'emmerde, je lui pisse au cul. Oh, McCoy. Bah il est là, tu vas lui dire parce qu'il est là ce soir. Ah bah vienne, tu l'as j'ai peur. Non, mais tu le défonces ou pas? Tu le défonces ou quoi? Mais bien sûr, je lui mets une patate. Vas-y, je peux te donner un coup, je peux y aller. Non, j'ai besoin de personne, moi. Je lui mets une patate comme ça, ouais. Il est tout refait, le Corse, là. Il y a de la violence, il est content, là. Vas-y, je peux lui mettre une patate aussi? C'est ça, du coup, il se réveille et tout, c'est bien. Bon, soit dit, j'ai reçu une grande photo de Katy Perry ce matin à la télé d'une fan. D'un fan ou d'une fan. Enfin bon, c'est madame, monsieur, quoi. Ah, messieurs dames. Messieurs dames. Et pourquoi, voilà. Pour toi? Oui, à la base, oui, je pense. Donc, du coup, je l'ai gardée. Et tu l'as mise dans tes toilettes? Non, pas du tout. Je l'ai mise à la télé, je l'accroche au mur. Oh. Voilà, donc elle est bien comme ça. Hop, je fais l'émission tous les matins avec Katy Perry. Tu vas commencer à Grandeur Nature d'Emily et moi, puisqu'on en a un. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais ça rentre pas, le studio, il est pas énorme non plus. Hein, tu vois, c'est dommage, on est nu dessus. C'est ça, c'est un petit. Bah, justement, alors, raison de plus. Et toi, un poster de toi nu en 3D, ça doit être canon, ça. Sinon, donnez-le moi, j'irai le déposer à la chaîne parlementaire. Je suis sûr qu'ils vont. Ils vont kiffer là-bas, je pense, la chaîne parlementaire. Bon, donc si vous voulez nous parler ce soir, bah allez-y, 01 55 64 13 24. Vous appelez, il n'y a pas de problème, on vous rappelle derrière. Il y a Vincent qui est au standard. Et puis, il y a du foot ce soir. Encore une journée de Ligue des Champions. Match retour, cette fois-ci. Avec beaucoup de matchs, hein, notamment le Real de Madrid qui va affronter le Milan AC à Milan, Auxerre qui reçoit l'Ajax Amsterdam. Alors c'est bien parce qu'à Auxerre ils ont interdit l'alcool dans toute la ville. Non. Bah, comme ils reçoivent les mecs d'Amsterdam, ils ont coupé les vannes d'alcool. Donc du coup les Auxerrois ils tirent un peu la gueule, hein, puisqu'ils peuvent même pas boire une petite bière là. Un match de foot sans bière. Ah bah ouais, mais bon, tu sais, avec Ajax on n'est pas sûr. Hein. Et puis sinon il y a aussi le Shakhtar Donetsk qui reçoit reçoit Arsenal, le Partizan Belgrade qui reçoit le Sporting Braga, le Portugal, ça va bien se passer je pense. Zilina aussi qui reçoit Marseille qui joue ce soir. Et les filles, elles branchent même pas. Hein. Marseille. Oh, non, dans mais parce qu'on sait qu'on va perdre. Mais non, non, non, pour le coup, là, vous allez pas perdre. Non, je sais pas, moi, je m'en fous, ça m'a gonflé le foot, là. Non, non, non, non. La planète Mars qui va donc à Zilina, il risque d'avoir un c'est peu froid, fini, là, quand même. C'est fini, on s'appelle plus comme ça, Marseille, hein, planète Mars, c'est en 98. Grave, ouais, c'était faussé, Anna. Ouais, yeah. La grande bleue. C'est pas grave. C'est, bah, tu sais quoi, dorénavant, je dirais la planète Mars. juste pour vous faire la chier. La planète Mars. La planète Mars, exactement. Et puis, le Bayern qui va à Cluj. Voilà. Donc, entre autres, hein. Et puis, on tiendra au jus. Ah, bah oui, je te confirme. On vous tiendra au jus, donc, pour les résultats, hein. Dès qu'il y aura des matchs, il y a Bâle aussi, avec, Roma, Chelsea, Spartak, Moscou. Et je pense que j'ai fait le tour. Ah non, il y a Rubin Kazan face à Copenhague. On s'en branle. Oh, ça. Donc voilà. Ah, bah, non, ça c'était hier, ça, autant pour moi. Donc, ouais, c'est bon. J'ai fait tout le tour. J'ai fait le tour de tout va bien, pas de soucis. On parlera de pas mal de choses, les problèmes du jour également, et puis oh mec, il faut que je vous en parle aussi, c'est un mec qui a réussi à voyager gratos. Je vous en parle dans un petit instant, le temps d'écouter de quoi. Ça doit être ton rêve. Non, pas comme ça, quoique si, ouais dans cette manière là, ouais. Oh mec, il s'est fait un délire dans les soutes. Non, pas dans les soutes, mais on en parle dans un instant. Le temps d'écouter les Black Eyed Peas maintenant. C'est le nouveau avec The Time. C'est parti. Le son des Black Eyed Peas à l'instant, The Time. Et c'est comme ça tous les soirs entre 20h et 23h sur Gaume Radio. Vous lâchez vos messages. Il y a un message qui dit oh là là, et Katy Perry qui va voir un bébé. Je plains le bébé. Oh, bah ça dépend. Il peut téter, hein. Oh bah putain. Ah bah il a de quoi faire, hein, pour le coup, hein. Oh bah je te confirme. Ah bah là il va avoir de quoi faire. Hein, Katy Perry, elle a les plus gros seins du monde, je crois. Enfin les plus beaux et gros. Et vrai. Et vrai en même mais temps. C'est vrai, vrai hein, je crois. Mais non, s'il plaît. Si, c'est des vrais. Non, c'est je vrai. Je crois que c'est des vrais, mais je suis pas sûr. Ils ont l'air vrais. Non, ouais, ils ont l'air vrais. Ils ont l'air vrais. Moi, je pense que c'est du vrai aussi, mais bon, après. En tout cas, elle a des. Pff, non, rien, je m'en fous. Elle a quoi? Non, rien, je l'aime bien en plus. T'as dû être méchant avec elle, elle allait gueuler, ouais. Oh, j'allais dire les gros poumons, mais ça la fait pas chanter juste, hein, parce que elle devrait avoir de la respiration et tout, mais elle chante fou quand même. Mais on s'en branle, de toute façon, c'est pas la chanson que tu baises. Bah, c'est ça. En l'occurrence, enfin, tu me diras rien, en l'occurrence, hein, pour le coup. Bah, là, pour, ouais. Ah, bah, voilà, pour le coup, tu baises. Ah, bah, surtout pas avec la chemise 3D, hein. Ouais, regarde, j'aurais pu, hein. Je suis sûr, un moment bourré, où elle est inconsciente, il y a peut-être moyen que... Je crois qu'elle aime un peu les mecs plus rebelles. Peut-être, ah ouais, ouais, bah, c'est peut-être. Travis McCoy et Russell Brand, pour le coup, c'est vraiment des gros, il est tatoué sur tout le corps, Travis McCoy. C'est un truc de malade. Russell Brand, il est tatoué aussi et il est jobard, quoi. Mais si je rajoute le petit soufflement du corse comme ça. À la fin. Non. Ah, bah, là, il y a peut-être quelque chose, alors, hein. Moi, Mika, je le verrais bien avec Goupy Goldberg. Ouais, Goupy, alors. Ta vanne était pas mal, hein, mec. Ouais, mais raté. Goupy Goldberg. Mais reviens avant 23h, hein. C'est le chien de Goupy Goldberg. Va manger un clafoutis entre temps. Goupy Goldberg. Mais t'es tatoué, Mika, donc tu peux avoir peut-être une chance. Ah oui, mais voilà le tatouage aussi, hein. Ouais, il est petit, c'est vrai que je suis pas en mode, j'ai pas énervé Davidson. Mais tu fais ça, tu bois un peu, tu te saoules, tu fumes et tu la prends de haut. Surtout. Je la prends un peu. Ouais, mais tu lui craches dessus même. Non, pas de haut, hein, il la prend en haut ou en bas, peu importe, mais pas de haut. Hein. Oh, dans le trou de balle. Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, toi, avec le. T'as un problème avec le cul, non? T'es très porté sur la nu, hein. Ouais. Mais je peux pas dire pourquoi l'antenne, mais Encore un dossier. Ouais. Pourquoi t'as enculé le Corse? Non. Non. Ah, je sais pas, hein, je demande. Oh, quelle horreur. Bah, quoi, regarde comme il est content, il s'est fait une pause figée, le Corse. C'est ça. Il est content. Enculé. De quoi? Oh, il a bien commandé une pizza aujourd'hui, le Corse, non? Non. Ah. Non. Quoi? Maman m'a préparé une salade. Il a un date après. Ah, t'as un rendez-vous après? Tout le monde a un date, là? Ouais, bah, moi, je vais dormir. En l'occurrence, avec toi, Michael. Je vais dormir avec Michael. Non, je crois pas, non. Ah, bah, tu le sais pas encore. Ah, ouais, non, mais si, je te le dis, t'inquiète pas, va. Bon, tiens, il y a message aussi, il y a Laetitia qui dit, oui, Emily, mais Rihanna, on a des moins gros et chante très mal aussi. Bon, après, il faut voir, hein. Laetitia qui dit, les lolos de Cathy, oui, ce sont des vrais. Sacha qui dit, le numéro de la radio, s'il vous plaît, bah, c'est 01 55 64 13 24. Gwendoline qui dit, Emily a raison, elle chante faux, la Cathy. Oui, non, c'est vrai qu'il y a un moment, elle a chanté, revanche, à la télé, c'était faux, mais bon. Après, je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou tu vois, je sais pas. Je la trouve souvent hyper maquillée et tout, un peu genre le visage dégueu et tout. Et dans son dernier clip, elle est vraiment très très jolie quand elle est dans le gymnase. On avait dit, ouais. Et qu'elle a les cheveux relevés, elle est super belle. Hein, bah, super, naturellement, super elle est plus jolie. Pour le coup, je l'avais déjà vue quand j'avais fait une émission de télé. On avait fait un truc à deux, mais pas sexuel malheureusement. Et pour le coup, elle était maquillée. Mais qu'est-ce qu'elle était maquillée? Putain, elle était vraiment trop pas belle, quoi. C'était hein? C'était, ça faisait pas de peinture? Ah non, mais là, totalement. C'était horrible, quoi. Franchement, pour le coup, tu regardes, compare le sa gueule dans le clip Teenage Dream et la gueule qu'elle avait c'est parce qu'elle est maquillée nude, c'était dégueulasse, quoi. Franchement, et du coup, elle t'a pas donné envie. Autant, non, si, après, t'enlèves le maquillage, hein, c'est pas grave. Mais, non, non, mais c'est clair que... Mais c'est flatteur pour elle, en fait. Elle est beaucoup plus jolie au naturel qu'avec du maquillage. Ah bah, clairement, ouais. Clairement plus jolie en vrai, ouais. Ce qui est rare chez les meufs, hein, quand même. Hein. Elle a vraiment des très beaux seins. Oh, putain, ça y est, t'es en train de mater sur. Non, tu sais, la meuf qui a les plus beaux seins de. Je trouve, hein, mais des seins superbes, c'est Blake Lively. De Gossip Girl, ouais, c'est vrai. Elle a des seins, mais magnifiques. Mais on voit rien là. T'as, ouais, je sais, mais t'as qu'à taper comme tous les pervers. Katy Perry, nude, XXX. Non, mais tu les vois que c'est des vrais, hein. Non, mais il y aura rien. Moi, je pense à moi qui ai fait des photos à l'époque. Non, c'est un vieux sosie, elle est dégueulasse. Quoi, il y a un sosie de Katy Perry? Mais oui, elle est trop laide et tout le monde croyait que c'était elle. Oh, bah la vieille chatte. Quelle hein. est laide. Ah, bah elle est surtout. Et puis gros sein quand même, hein. Non, grosse mamelle, hein. Ouais, non, mais c'est surtout les hanches, quoi. Les hanches très larges. Putain, mais elle s'est épilée la totale la moute. Non, mais cela dit, au niveau de, la tête, il y a quelque chose, on peut pas dire. Ouais, mais carrément. Il y a clairement quelque chose. Je pourrais la baiser, elle. Non, mais elle a le bassin large. Mais elle, ouais, elle a le bassin, elle a le bassin très large. Elle a le bassin très large. Il y en a d'autres là sur Google, tant qu'on regarde là. Si vous avez des dos, ça, vous nous envoyez. Ouais, hein, ça, mais ça, c'est parce que c'est excitant, ça. Oh putain. Oh là là. Non, mais ouais, mais bon, l'autre, il se fait un album photo. Espèce de porc là. iPhoto, j'ai marqué mon ex. Ouais, c'est ça. Oh là, elle est bonasse là. Ouais, elle est très bien, ouais. Ah, ouais, en petite tenue, ouais, là, tu peux lui mettre une carte. Oh, ouais, voilà, c'est-à-dire que tu peux lui faire un abonnement de carte. Regardez. C'est Megan Fox dans la dernière pub de Dolce Gabbana, elle est fou. Je la mets, ah non, ça. Elle est bien, ouais. Dolce Gabbana. Non, là, pour le coup, elle était pas mal, hein, ça y est. Megan Fox, elle est belle, mais après, tu la regardes bien, elle est trop faite. Elle est vulgaire, ouais. Non, bah, c'est surtout un peu le même genre qu'Angelina Jolie. Non, ah, oui. Elle est plutôt jeune aussi, hein. Megan Fox. Tout, hein. Elle a 23 ans en fait. Bah, c'est vrai qu'elle me avec quelqu'un d'autre alors. Comment tu Megan Fox, elle a 23 ans. Ouais, ouais, super Jones. Oh mon dieu! Attends, mais avec qui je confonds? Ah non, mais oui, je confonds avec Courtney Cox. Ah là, c'est pas un touché, c'est intéressant quand même de voir le contraste. C'est bon, c'est parce qu'il y a Ox dedans. Le contraste est cool. Attends, je suis désolé, mais c'est cool. Et puis, tu sais, je vais te dire, c'est cool parce que tu sais que c'est Katy Perry. Ouais, voilà, ça, c'est ça. Ça passe quand c'est tape Blake Lively, tu vas voir. Si vrai, je devais avoir les seins de quelqu'un, tu serais elle. Tu vois quelques imperfections sur Katy Perry, tu dis c'est pas grave. Tu vois, ça serait Martine, autant tu te dis, bon, c'est Martine à la plage, tu vois, avec le. Ah ouais, c'est pas mal aussi. C'est bien cette bébé. Comment elle s'appelle, c'est là Blake Lively. C'est Gossip Girl. Ah, bah je vais peut-être regarder Gossip Girl. C'est bien ça. Elle a des très jolis seins. Ah bah le reste suit bien aussi. Bah tapez en même temps que nous, tiens, si vous voulez voir Blake Lively. Blake, c'est B-L-A-K-E. Et Lively avec un Y à la fin. Et l'autre, il marque Blake Lively nude. Et tu crois qu'il y a plein de trucs de cul qui vont sortir. Attends, nude, anal. Oh. Il y a pas un truc. Mika, ouais, tu sues, ouais. Mika. Ouais, j'ai chaud là. T'as qu'est-ce vu comme j'ai chaud? Non, mais j'ai chaud, j'ai ouvert. Images. Non, j'ai ouvert parce que j'ai vraiment chaud avec cette putain de chemise. Non, c'est parce qu'il y a les images là. C'est pour ça, il sent plus là, le monsieur là. Il est comme un ouf là. Ah, bah, là bon, on va mettre quelques photos sur Facebook pour ceux qui ont du mal à taper. On peut chercher des beaux mecs maintenant. Non, non. T'as laissé-moi réfléchir. Ah, bah non. Non. Mais non, mais ça sert à rien, c'est moche, un mec. Bah oui. C'est vrai. Vous, oui, en l'occurrence, mais il y a des beaux mecs aussi sur Terre. Nous, les autres, hein. Non, mais nous et les autres, hein, pour le coup, hein. C'est vrai. Il y a Johan aussi qui dit ma télé vient de rendre l'âme. Bon, c'est pas grave, on est là, t'inquiète pas, bah. C'est pour ça qu'on la voyait plus. Elle peut vomir, une télé. Il y a Marie aussi qui dit, Blake Lively et Leighton Meester sont des bonasses. Ah oui. Leighton Meester. Ah, mais Leighton Meester, elle est super. Je vois plus à quoi elle ressemble. Non, alors, je vais dire. Elle ressemble un peu à Vanessa Paradis. Non, Leighton, pas Leighton. Ouais. En vrai, elle est pas ouf, en vrai, hein. Tu l'as rencontrée? Leighton Meester. Regarde, en vrai, ah oui, elle est pas oui, ouf, alors vois. Que là, elle est quand même putain de canon. Non, mère. Ouais, non, mais c'est vrai, elle est. Là-dessus, hein. T'aimes bien là-dessus, toi? Non, elle est bien, mais je préfère Blake ou Katy Perry. Hein. En fait, mec, c'est l'attitude, c'est quand elle joue, là. Tu préfères les brunes, Mickaël, ou t'as pas de. Brune ou blonde, ça me dérange pas. Moi, je la trouve trop belle, cette meuf, là. Non, mais là, mec, je peux pas. Ah, Forbidden, 403, erreur 403. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Bon, bah, c'est pas grave, on va chercher encore. Si vous avez. Eh ben, alors, c'est quoi votre type de fille, vous? Tiens, justement, bah, venez nous en parler. C'est plutôt grande. 01 55 64 13 24. Vous appelez Vincent au standard et puis on vous rappelle. Voilà, donc on a compris. Donc Emily qui fait les meufs. Il y a pas de problème. Non, pas du tout les mecs, mais on n'a pas le droit d'en parler. Donc non, on n'a pas le droit d'en parler. Non, là non. Okay. Que des meufs. Non. Voilà. Ou alors tu peux. C'est juste pour jeter des fleurs au corps, si tu veux. Ça, tu et peux c'est là qu'on voit mec. Que les meufs c'est quand même plus ouvert d'esprit que les mecs, parce que vous parlez librement et tout d'une meule nana, et nous jamais on aurait dit vas-y tape Tom Cruise, tape. Non, parce que dès qu'on demande, non, mais il a raison. C'est pas ça, c'est que c'était soit ça, soit on se casse. Donc parce que dès qu'on demande à un mec comment tu le trouves, ah ça j'ai pas pédé. Alors que nous les filles on peut très bien juger une belle fille. Mais ça vous pouvez être objectif sur des mecs sans être gay, c'est dur. Mais bien sûr. Mais genre on n'aurait pas été refait de dire vas-y tape genre je connais maintenant quoi. Et tu vois il aurait pas dit il a de belles fesses alors que nous on peut dire il a de beaux seins quoi. Ouais. Exactement, Cécile. Non, mais nous, on va jamais dire il a un beau cul. Tu vois, c'est inimaginable. Par contre, on va dire. Nous, les filles, on regarde, on mate plus des filles dans les rues que les mecs, mais plus pour la manière de s'habiller ou la façon. Ah oui, non, mais voilà, mais nous, c'est autre chose. Mais vous, vous regardez pas des mecs en. Ah non. Même bien fringués, quoi. Ah non, non, non. Oh, non, non, non, non, non, jamais. Tu dis jamais, ce mec, il a un bon style et tout. Si, j'ai eu un petit coup de cœur au début, je te cache pas, avec le Corse, quand j'ai vu. Puis ça, c'est angoisse depuis. C'était physique. C'était physique. Ah bon, bah justement, le hasard comme par hasard, si on écoutait Katy Perry. Yeah, allez, bah Teenage Dream, justement, on va s'imaginer le clip maintenant. Avec ses gros seins. Ah, ça va être énorme. Et la chantilly qui sort. Eh ouais, bah bravo, allez, remets le disque au début. Oh là là là là là là là là. Bah t'as bouffé l'intro. Ah, ça c'est pas entendu. Attends, si, on va pas bouffer la gueule de Katy. Enfin, quoi que. Au final. Ouais, je pourrais bouffer autre chose. Hein. Je pensais qu'on se mettait dans l'ambiance et qu'on allait parler tout au long de la chanson. C'est quoi, c'est une soirée juste sur des bonasses ou pas? Parce que sinon. Il y a un film pas loin. Si vous voulez aller bouffer, vous pouvez y aller. On parlera de Tot. Bon, allez, on va démarrer le foot aussi dans un instant. On suit ça. Et puis Katy Perry maintenant. On écoute donc Teenage Dream. Katy Perry à l'instant, Teenage Dream. Il y a un message de Cécilia qui dit: les mecs, attention, la baffe commence à sortir. Non, c'est pas la baffe. La baffe, c'est du sperme. Non, non, non. Alors tout de suite. Facile. Je ne te suis pas, Émilie. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je m'excuse auprès de mes parents. C'est dégueulasse. T'aimes ça, c'est tout. Franchement, ouais. Tu m'as. Ah, bon, j'ai reçu des photos. Oh. Tiens, elle fait du 95e. Oh, ah ouais, putain, c'est dur quand même. Surtout en vrai que ça tienne, c'est ça qui est beau. Mais alors ça. Là, il y a une photo sur FHM. Et alors le seul truc que les meufs ont remarqué, c'est qu'elle a des chaussures truc rouge là, c'est Louboutin. Louboutin. Oh, bah la mec, elle est au bord de la plage. Je pense que. Pierre, tu sais que tout homme doit acheter des Louboutins. Oh là là là. Elle est avec des dessous en jean. Autant j'aurais pu dire que c'est dégueulasse, mais à rien lui va. Vous avez déjà vu des soutifs en jean? Mais à rien lui va. On a pas envie de regarder. Ah bah nous, ça nous va bien. Bah non, on va refaire que ça. Il faut le voir porter. Rolling Stones, mec. Faut le voir porter. Fais voir, fais voir. Bah, il faut le voir porter. Alors, par contre, le soutien-gorge qu'elle a dans Rolling Stones Magazine, c'est dégueulasse, hein. Ouais, même sur elle, c'est moche. Damar, quoi. Même sur elle, c'est bien moche. Ça, elle a les seins nus, là. Ça m'irait tellement bien que Katy Perry sur moi. Je peux te dire. Attends, elle est là avec le jean. Ah, mais, enfin, jean ou faux jean, mais en tout cas, effet jean. Son ventre me fait rêver quand même. Ah, bah non, mais tout le reste aussi, hein. Oh, c'est moche. Oh, putain, madame Chubby. Sur la plage, bien évidemment, seins nus avec des barésies, mais sans rien. Non, non, si, t'inquiète pas. C'est pas grave. T'en fais pas. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Donc 95E, ça fait rêver quand même, hein. Ouais. 95E, c'est quand même. C'est une taille de plus que moi, hein. Ah ben, ça fait rêver, hein. T'es 95D, toi? Ouais. Pour ce coup. Mais ouais, tu vois, si même Emily dit n'importe quoi. 95CD, quand je vais avoir mes règles, c'est D. CDEF, hein, c'est comme elle veut. Ouais, hein, c'est ça, non, c'est le gauche, c'est le droit. Non, mais déconne pas, je suis des fois 80. Mais ça dépend, c'est vrai que c'est un peu bizarre selon les marques des soutiens-gorge. Je peux passer du C au D. Non mais après ça varie effectivement, ouais. Mais je crois que c'est en France ils ont une taille spéciale et dans le reste de l'Europe c'est par exemple c'est moins. Je crois que c'est 10 de moins. Donc si tu fais un 95 ici en fait dans le reste de l'Europe c'est 85. Ouais. Et alors aux US c'est encore pire. Hein, je crois que c'est des tailles 12, 10 ou un truc comme ça. C'est un truc bizarre. Bah là ça fait. Ah bah là t'arrives, t'es en 12, tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. T'as l'impression de parler d'une clé, une clé de 12. Oh là, tu dis, ah, je prends la 12, la 10 aujourd'hui. Mais je suis sûr que sans soutien-gorge, c'est sympa, non? Les tiens, ils pendent ou pas? Bah, il faut voir, elle est moi, encore jeune. Moi, pour l'instant, non, mais je sais que d'ici quelques années, oui, c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai rencontré ce week-end un chirurgien esthétique et je lui en ai parlé. Il m'a dit, tu veux me les montrer mais et tout, oui, il était un peu bourré. Viens, montre-les-moi. Mais, du coup, il m'a dit, mets un stylo sous ton sein, si le stylo tient, c'est qu'il pende, si il tient pas, c'est. Et alors? Et du coup, bah, elle a mis un rondin de bois. Non, une trousse. J'ai mis un stabilo. Et alors? Elle a mis un paquet de feuilles, c'est une rame. Avec 1000 feuilles à l'intérieur. Allez, écoute, ça nous a fait rien. Demande à Mika, est-ce que c'est un pan, non? Debout, bah, j'ai en fait, techniquement, il faudrait que Mika mette sa bite dessous pour voir si elle tombe. Ah, quelle horreur, ce juste ouais, vision. Non, pas... J'imagine Mika, la moi allongée d'un coup passant sa petite kikoune, sa grosse, pardon, son ouais, énorme verge sur le sein. Ouais. Ou la langue, hein, je pourrais ça. Oh putain, ouais. Je suis chaud là. Moi aussi, ça va. Ouais. La Katy Perry, c'est à chauffer. Ouais, hein. Je suis pas bien là. Ah ouais, bah on voit ça effectivement, ouais, c'est bizarre. Mais j'ai envie de faire ça avec le Corse. Et toi, le Corse, justement, tiens, en parlant de lui, c'est quoi les meufs qui te font kiffer des stars, hein? Je te parle pas de la meuf qui se trouve derrière ton rocher là. Derrière mon rocher, c'est-à-dire. En Corse. Oh là là. C'est vraiment au premier degré, le Corse. Je le sais, mais c'est pour voir où c'est qu'il voulait en venir, c'est pour ça. Je croyais qu'il allait me frapper là. Mais non, pas du tout. Arrêtez. Alors déjà, après en plus, Tu vois, il ne répond pas à la question. Il faut toujours qu'il arrive. J'ai mal. Oh là là, je parie qu'il va tellement parler qu'il aura oublié la question après. Non. Alors, il a déjà oublié. Pour en être fait, bref et court. Ah, et ben voilà, trop quand tard, tu veux. C'est déjà long là. C'est trop long, ouais. Alors, Megan Fox, Courtney Cox. Oh là là. En fait, c'est la fausse. Il y a que des Ox, quoi. Non, Megan c'est Fox, Courtney Cox. Courtney Cox. C'est pas la même. C'est un blog sur les sosies des stars. Sandra Bullock. Ouais, Bullock. Bullock, c'est une Thaïlandaise, hein, c'est la copie. Mais Bullock, mais d'où tu sors? Bullock. Non, je viens de dire Bullock, c'est Emily qui m'a repris, qui mais m'a dit Bullock. C'est Bullock. Bullock. Courtney Cox. Bullock, mais c'est pas Bullock. Et bon, et qui d'autre? Courtney Cox, Megan Fox, Sandra Bullock. Mais il y a quand même un monde, je m'excuse, mais il y a quand même un monde de différence entre les Fox et Cox. Et Bullock quand même, hein. Oui, parce que Bullock, mec, En fait, c'est pas si bien défini. C'est que ces gens-là, c'est les femmes qui me plaisent au niveau de. Parce que je veux dire, il y a quand même une marge. Je veux dire, c'est quand même, c'est l'opposé. Et Shakira, quoi. Personne te la tape, Shakira? Parce qu'elle est quand même Shakira. Super. Shakira, elle a un beau visage, mais moi, dans ça la reste, boue, je sais pas, il faut que je la voie, ouais. Alors, dans son clip, dans son dernier clip, pas celui avec Nadal, celui d'avant, où elle est dans sa cage, là, tout seul. Elle a l'air comme une panthère là. Et elle fait ça comme des ça. Hop, bassin, là. Hop, et d'un coup, elle monte le cul. Elle est allongée et sur le ventre. Ah ouais. Donc, et elle monte son cul comme ça. Elle fait. Ah, mais elle au lit, ça doit être une bombe. Elle au lit. Ah ouais. Mmh. Et ça se trouve, c'est un drame. Hein. Ouais, non, pour moi, la plus belle, ça reste Natalie Portman. Non, quelle horreur. Silence, Mika, défends-la. Non, mais Natalie Portman, c'est une fille que t'épouses. C'est pas une fille que tu souilles, quoi. C'est, voilà, je vais dire. Elle embrasse tes enfants avec sa bouche. Tu peux pas faire de saloperie avec elle. Mais attends, t'as Nathalie Portman dans ton lit, tu fais rien? Je la casse en deux. Mais voilà, alors ta gueule. Je la brise. Non, je la respecte avec amour, mais tu fais des trucs dégueulasses où t'as honte le lendemain au petit-déj, tu fais, ça va? T'es sûr tu m'en veux pas pour le truc? Ça m'arrive tout le temps. Sauf que c'est pas tes femmes. Ouais. Mes femmes, ça va, j'ai pas un. Ouais, ouf. Bah, c'est bien, continuer à envoyer des photos, hein, sur le groupe Facebook et sur le mail, facebook.com/mikaelofficiel ou sur le mail, donc mikael@goomradio.com, hein, surtout n'hésitez pas. Et toi, Pierre, c'est quoi tes styles? Moi, actuellement, là, c'est ma meuf. Ouais. Ta meuf qui ressemble quand même à Scarlett Johansson. Oui. C'est pas faux. Allez, c'est bon. Il y a Anthony qui a envoyé un message qui dit ça c'est le genre de Mika. Ah oui, ah bah oui. Ah oui, là on est au top là. Quel genre de Mika quoi? Là, attends, je vais pousser plus grand. Allez voir sur le groupe Facebook hein. Ah, elle est horrible. Ah, on est au top du top là, c'est-à-dire qu'elle est avec des badges. Oh mon dieu. Ah ben bah, non, elle est bien. Regarde, hop là, ça va s'ouvrir là. God. Hop là. Tu peux nous dire le nom s'il te plaît? Non mais elle est dégueulasse. Non mais c'est pas une. Oh putain de merde. C'est une grosse vieille dégueulasse. Moustache. Clope, en mode coupe au bol, cheveux gras, dégueu. Attends. Tout est dégueu. C'est comme si on pouvait pas se lever avec Emily, non? On reste. Non. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. Ouh, attends, je t'interromps là. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a George qui vient d'envoyer un dossier là, mais j'ai pas de nom malheureusement. Alors ça c'est bonasse, mais c'est bonasse. C'est qui? C'est Megan. George, c'est Jo. Ah mais oui, je la connais, cette photo. On m'avait d'ailleurs tagué dessus. On t'a tagué, ouais. C'est une erreur, hein, d'ailleurs. Donc, t'allais dire quelque chose? Non, sur la grosse. Ah, sur la grosse, d'accord. On l'a tagué dans la moustache. Il y a quand même Lionel qui dit nous, c'est Émilie et Cécile. Ouais, oh, merci. Lionel, t'es miro, là. Non, mais ils sont surtout à la ramasse, hein. Mais va voir nos photos un peu de profil, il y en a où on est pas mal, hein. Mais oui, mais il y en a une sur 100, parce qu'en plus, vous les triez, c'est ça qui est dur. Mais qu'est-ce qu'il a, l'autre? Il a fait des séances photos avec sa sœur pour pouvoir avoir une photo de profil potable. C'est très dur. Et c'est grâce à l'œil de ta sœur, hein, que ça ressort bien, parce que sinon. Et encore, ça ressort pas, c'était pour le sinon, plaisir. Ce serait le drame. C'est voilà. Son cadeau d'anniversaire. Bon, allez, on revient dans un instant. Bah, vous nous appelez 0155-64-13-24 si vous voulez parler avec nous. Et, on va parler justement là du mec de 17 piges qui a survécu à un vol de 50 minutes caché dans le train d'atterrissage d'un avion en Sibérie. Oh putain, non. C'est un fou le mec. Ouais, oh, donc bah, déjà il fait bien froid, tu vois déjà en haut. Bah alors en Sibérie c'est encore pire quand même, faut le savoir. Et le mec il a pas eu peur, il a pas été se cacher dans un, parce que là-bas les avions de ligne c'est pas des Boeing ou des Airbus, non c'est des Antonov. Antonov. Oh, dans un vieil Antonov. Oh, c'est déjà t'as pas envie d'aller. Hein. Voilà, c'est le AN24 turbopropulseur. Pour aller voir à quoi ça ressemble si vous voulez, ça se demande comment ça vole. Ce truc. Bah, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc lui s'est bloqué là-dedans en fait et il a quand même réussi à survivre et ça c'est pas mal. Bon malheureusement il s'est fait arrêter à l'arrivée, donc ça c'est dommage aussi. Et puis cette année il y a aussi un Roumain de 20 piges qui a été qui s'est planqué dans le train d'atterrissage d'un Boeing 747 et il a survécu à un vol entre Vienne et Londres. Le mec il avait pas d'oseille. Alors déjà c'est quand même exceptionnel qu'il a réussi à arriver sur le tarmac. Parce que il a réussi à monter sur le train d'atterrissage, donc sur les roues, et se planquer dans le merdier. Putain, mais faut être ouf. Et le mec, surtout, il avait une petite veste, donc je sais pas comment il a réussi à survivre à moins 40. Non, là, mais t'imagines comment t'as le vertige déjà, mais tu vomis, mais tu vois rien en tout. Tu fais que de vomir, non? Comment ça se passe? Non, mais une fois que tu rentres dans le train, tu vas te planquer à côté et t'es. Combien de temps il est resté dans l'avion? Ah, mais genre, il s'accroche pas à la roue, là, comme ça? Ah, ça va, non, mais non. Non, 50 minutes à moins 30. Il a pas fait Paris New York, ça va. Non, mais en moins 30, mais moins 30, moins 40 même. Et ce con, il s'est fait capter à l'atterrissage. À l'arrivée, ouais, donc tout ça pour rien. Et t'imagines la compagnie qui nous dit, oui, mais vous avez fait tant de kilomètres, et ben, hop là, vous payez le prix de la première. Ouais, j'imagine. Le mec, il a volé sur une roue. Ouais, parce que vous étiez sur la roue avant. Et la roue avant, c'est la première classe. La roue avant, c'est devant. 600 balles. C'est trop drôle, Émilie Cécile, elle vient de se cogner, elle a mal, alors ça me fait rire. Bah ouais, elle souffre. C'est mon Dieu qui m'a puni parce que j'ai mal parlé de ce petit Romain. Eh ben voilà, tu vois. Oh putain, qu'il est beau. Bon allez, on se met Everybody maintenant, Do It On My Own, et on revient juste après avec vous toutes et vous tous comme d'habitude. C'était Everybody avec Do It On My Own, et on est là tous les soirs, vous balancez vos messages, ça se passe au 01 55 64 13 24 si vous voulez nous appeler dans le standard, allez-y. Ça marche aussi sur les mails mikl@goomradio.com si vous voulez nous joindre, vous laissez votre numéro et puis on vous rappelle derrière, et au moins comme ça c'est gratos, c'est plus pratique. Et puis il y a Tom qui m'a envoyé un message qui dit j'ai croisé Emilie dans la rue, c'est dur, regardez, ouais, c'est très très dur effectivement pour le coup, hein. C'est une photo que j'ai reçue qui... Bon, il y a un petit air de ressemblance peut-être. Oh la tête. Oh, les seins. Oh, qu'elle s'est fait croquer par les Ouistiti comme dans le film, ouais, d'horreur, c'est ça, là, ouais. Je prends quoi après. Ah, le sein est dégueulasse. Très très dur effectivement. Non, ouais. Non. Oh, il y a un peu de ressemblance peut-être, mais bon, de loin on va dire, hein. N'abusons pas non plus. Merci Tom pour le mail. Et puis faisons plaisir justement, parlons d'autre chose. Bah, il a 12 ans, le pauvre. Parlons d'autre chose. J'aimerais bien le démonter, tu me dis. Ouais, oh, dégueulasse. La meuf qui craque complet. Bon, parlons d'autre chose maintenant. Faisons, après avoir parlé de Katy Perry, de j'ai oublié leur nom d'ailleurs, les autres. Blake Lively. Scarlett Johansson. Et l'autre, il est chaud comme la braise. Parlons maintenant du site de rencontre pour moches. On en avait déjà parlé, The Ugly Bug Ball. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'est, ils ont célébré leur premier couple, de futurs mariés. Oh, Mazel c'est Tom. 36 ans qui admet avoir un visage qui fait pleurer les enfants. Oh. Eh ouais. Oh, c'est dur. Et il dit, grâce au site de rencontre en ligne britannique The Ugly Bug Ball, il a trouvé l'amour en la personne de Janine Walker, 31 ans, avec qui il a décidé de se marier dans quelques mois. Et donc le site qui se définit d'ailleurs, c'est eux qui le disent, pas moi, comme une agence de rencontre pour les esthétiquement différents. Oh, voilà. C'est bon ça comme terme. Il vient donc de former son premier couple de moches. Donc pour fêter l'événement, il a décidé de lui offrir une lune de miel. C'est génial. Une lune de c'est miel. Magique. Ils auraient pu, tu sais, offrir, déjà les mecs, ils ont pas un physique facile, ils auraient pu leur offrir une lune de miel, je sais pas moi, c'est cher. Non, ou à l'hôpital pour une chirurgie esthétique. Non. Dans un à Borse au Pays de Galles. Oh, trop mieux. Et alors, leur mariage va être laid. Oui, il y a des chances. C'est horrible. Alors il y a aussi la petite phrase qui dit, j'apprécie que Tom ne soit pas Brad Pitt. Je ne suis pas Angelina Jolie non plus. Bah putain, Angelina peut-être alors. Ouais. L'amour vient du cœur de et Tom est parfait, un vrai prince charmant, a déclaré sa dulcinée aux médias britanniques. Mais tant mieux pour eux s'ils se sont rencontrés que leur amour non, est parfait. Non, il faut interdire les moches. Interdire qu'ils se reproduisent. C'est l'horreur. Moi, je suis pas d'accord. Tout être humain a le droit d'être heureux. Mais non, c'est pas du tout. Vous avez un discours particulier, Mika. Faites pas de gosses, les mecs, alors. Non, il faut que les ne doivent pas copuler ensemble. Ils doivent pas se reproduire. Et je pense même qu'il faudrait qu'on les exécute. Dis-moi, tu veux pas la race aryenne aussi, non? Mais non, le corps, deuxième degré. C'est on a clafouti là encore. Ah d'accord. Qu'est-ce que ça me donne faim, écoute, de toute façon, je suis assez d'accord, mais uniquement sur les Corses. Ouais. Des fois. Il faut que les Corses arrêtent de se reproduire. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense que. Les mecs, ils ont tellement la flemme qu'ils le font jamais. Hein. Ils se reproduisent pas. Ça les fait chier. Alors on baisera demain. Ouais. Oh, ça va. On fera un gosse à 60 ans. Hein. Laisse-moi tranquille. Tranquille. Comme ça, on est pas dans la merde. Hein. On va crever avant. Et hop là, il se démerdera tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On va lui laisser la petite maison avec les bombes et l'armement. Putain. Et il apprendra tout seul. C'est ça, mon fils. Non, mais pour être plus sérieux, parce que du coup, il y en a qui vont croire qu'on pense ça oui, non, mais c'est vrai. Hein. C'est bien que. Il y a des moches qui s'aiment entre eux, mais oui, c'est dur, quoi. Non, mais après, attention, parce que là, on dit des moches qui s'aiment entre eux, mais il faut pas forcément être moche pour s'aimer, hein. Non, enfin, je veux dire, t'as des moches qui aiment, enfin, encore, ça reste relatif, mais tu vois, ouais, t'as effectivement des moches qui, oui, comme disait Pierre, qui kiffent les beaux qui kiffent les moches, enfin, tu vois. La conversation, j'ai l'impression d'être dans la salle avec Jude Law, Colin Farrell et non, mais t'as des moches qui machin, c'est pas des bons, mais c'est si, mais c'est pas, on est des bons, mais c'est à dire qu'à trois, on fait péter la terre. Ouais, d'accord. Je dis à trois le Corse, je suis désolé. On fait péter tout. Je parlais de Pierre, Pour la Libra et alors, hein, comme tu dirais, Michael. Oui, bah c'est pas grave. Le principal, c'est pour quelqu'un. Ouais, et puis c'est quand on y croit. Alors, on a remarqué avec Émilie que quand on est toutes les deux, Notre pouvoir de séduction est encore plus fort, hein, n'est-ce pas, tout à l'heure, Émilie? Ouais. Sur le scooter, c'était hallucinant. J'avais même pas vu. Parce que vous aviez le casque, vous aviez le casque. On avait le casque intégral. On avait les, le masque et tout. Le masque et une doudoune, donc. Et donc là, il y avait, bon, c'est peut-être le scooter qui est joli, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Ah, bah voilà. Non, mais c'est le délire lesbien et à trois, quoi. Genre, un mec qui est dans la rue, il vous regardera toutes les deux parce qu'il dit que l'autre, elle va se bouffer le cul pendant que je l'encule. Il faut toujours. Non, la brunette et la blonde. Mais non, ouais, ou pas, on s'en fout. Non, de ça. Je pense que c'est parce qu'on avait un beau casque. En fait, ça doit être ça. Il était tout brillant. Mais non, mais on cela dit. Cela dit. Hein. Non, mais cela dit, voilà. Ouais. Mika, bah, quand tu vois deux meufs comme ça là. Ouais. Émilie, Cécile. Bon, là, tu les connais, donc du coup, tu pourrais jamais. Et je les ai surtout coincés toutes les deux, donc à un moment donné, il pourra pas s'exprimer. Mais non, mais d'accord, mais en même temps, c'est ça qui t'excite plus que seul ou pas? Quand tu vois deux meufs comme ça dans la rue. Bah plus non mec, hein, c'est pareil, ça dépend des meufs, hein. C'est ça le truc. Non mais fait. Deux grosses bonasses, tu sais pas laquelle choisir. Ah bah, deux grosses bonasses, oui. Là bah, tu te dis un gros plan à trois direct. Oh, oui, bah là oui, bah évidemment. Bah, évidemment, bien évidemment. Sûr. Bon allez, appelez-nous 01 55 64 13 24. On va qu'est-ce que vous avez déjà fait comme accident? On posera la question ici et chez vous aussi, que vous avez déjà fait comme accident qui a impliqué vos parents. Ah, on en parle dans un petit instant. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. On fait ça dans un instant et on va mettre la télé aussi. Pourquoi on n'a pas le match là ce soir de Marseille? Ça là, arrive, qui il joue. Est 45. Non, non, mais ça a commencé depuis une minute, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Sinon, ça y est, tous les matchs ont démarré, donc je recommence. Il y a Bâle, Roma, Chelsea, Spartak Moscou, Zilina, Marseille qu'on va suivre, Auxerre, Ajax qu'on va suivre aussi, Milan, Real de Madrid, Partizan Belgrade, Sporting, Braga et Shakhtar Donetsk face à Arsenal. On suit bien sûr tout ça. Ça y est, nous avons Zilina face à Marseille. 1 minute et 0-0, c'est beau. C'est bien joué les gars. Pour bravo. L'instant, c'est très très bien. Pour l'instant, c'est parfait. La première rencontre, on avait gagné, c'est ça? Marseille avait gagné que, face à Zilina, parce qu'après, ça a été plus dur. Hein. D'accord. Là, donc là, si on perd, ça fait quoi? On ah bah, c'est fini. Hein. On sort du championnat. Ouais, là, il faut gagner ce soir impérativement, ouais. sinon c'est la merde. Déjà que c'est quasiment ciao là. Alors bon. Là, c'est très très dur effectivement. Là, c'est au revoir. Bon direct. Allez, on se met la pub derrière My Chemical Romance et on se mettra. On met lequel? Bah. Je pourrais choisir un vieux pour la fin, le son cave, le son de la cave. Le son cave, l'autre, oui des mots. Le son cave. Heureusement, il a pas dit le son de là. On savait pas très bien ce qu'il voulait dire, mais bon. Ah, je pourrais choisir un vieux My Chemical. Allez, s'il te plaît. Je sais pas. Si on crie pas et qu'on t'arrête pas. Si vous faites un bisou sur la bouche, un smack. À Mickaël? Non, je suis arrivé. À vous toutes les deux là. Ouais, toutes les deux. Ah. L'autre, il a vraiment envie de se taper une broche dans les cheveux. Et que si le corps se jouit sur la table de mix. Oh. Sinon, alors, ça marche pas. Ok. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, allez, My Chemical, on se met dans un instant. Un des plus connus aussi au final. Hein. Welcome to the Black Parade. On l'avait déjà mis, mais c'est pas grave. Ah oh, non, et je veux pas celui-là. Mais c'est je l'aime grave, trop, mais je préférerais qu'on écoute Teenager. Je crois qu'il a pas demandé ton avis, Emily. Ouais, c'est ça. Par contre, peut-être qu'un autre jour dans la semaine, on mettra Famous Last Words. Je d'accord. Et là, Welcome to the Black Parade, je vais pas me plaindre, ça me plaît. Oui, bah c'est ça, hein. Tu préfères voilà. Que je te mette quoi, Jenali? Non, ça va. Bah, on aime bien, il y a quand même quelqu'un qui a mis c'est la plus belle fille pour moi tout à l'heure, je l'ai pas signalé, mais. C'est à Jenali? Ouais. Ah bah c'est dur. Non, ça c'est pas, t'as pas le droit de mettre ça. Qui l'a marqué, peu importe. C'est un pour son père. Il est banni! Qu'on le bannisse immédiatement du Facebook. Alors, on revient dans un instant après la pub et on suit les matchs évidemment avec Zilina Marseille. Il y a corner pour Marseille. On va attendre le corner quand même, on sait jamais qui a un but. Oui, les gars, vas-y. Ils sont cons, attends, au rugby, il aurait pu mettre des points. Ah bah, regarde-le, Heinz, la tête de con. Calme-toi. Au rugby, il aurait pu mettre des points. Je sais pas qui c'est, mais. Allez, c'est Heinz, c'est lui. Avec les longs cheveux. Oui, mais il vient de Marseille. Ouais. Ah oui, enfin, je pense qu'il vient vraiment de là-bas, mais en tout cas, il joue pour Marseille. Ouais, voilà. L'argentin. Allez, on verra. Ah bah voilà, donc il vient pas du tout de là. Donc on se met My Chemical juste après, restez là. Le son de My Chemical à l'instant. My Chemical Romance avec Welcome to the Black Parade. Et ça y est, les deux premiers buts ont été inscrits sur deux terrains différents. Arsenal qui a mis un but face au Shakhtar Donetsk. Et alors, Auxerre qui a mis un but face à Ajax. Premier but, ça y est, c'est fait, hein. Ça, c'est improbable. Premier but à la 9ème minute, donc c'est Frédéric Samaritano qui a mis le premier but. Espérons pour eux, pas pour moi, parce que faut quand même vous avouer que j'ai pas misé sur Auxerre quand même, hein. Oui, bah oui. Mais espérons pour eux qu'ils vont pas se relâcher en disant, ah, ça vous avez vu, hein, putain de flamant pourri, bah, je vous ai mis une patate là. Ouh. Parce qu'à mon avis, je crois que quand ils vont s'énerver les Hollandais là, ça va être chaud là. Ouais. On va voir. Et Marseille qui a failli mettre le premier but aussi là. Il sait plus s'il est pour l'OM ou pas. C'était pas loin du tout. Moi, je peux vous le dire. Bon, et puis. But. Eh bah but de Marseille. Ouais, ça voilà. But de Marseille. J'en parlais à l'instant là. j'en parlais à l'instant. Marseille, c'est Chéroux qui a mis le but, donc 1-0 donc pour ah non, c'est qui? Ah non, c'est Gignac qui a mis le but. Puis beau but, hein. Eh ben voilà. Pas mal. Donc 1-0 pour 1-0 pour Marseille. Voilà, troisième but donc de ce soir. Donc Arsenal 1-0 face au Shakhtar Donetsk, 1-0 pour Marseille également et 1-0 pour Auxerre. Les équipes françaises gagnent pour l'instant. C'est bien. On est bon. On est bon. À la 11e minute de jeu, hein. Ouais. Ne faut pas s'enflammer non plus. Faut qu'on marque combien de points en fait pour être qualifié? Là, il faut gagner. Il faut déjà mettre un maximum de buts. Il est beau le but. Vu ce que vous avez pris dans la tête là pour l'instant, il faut y aller. Hein. Faut surtout pas se dire que ça y est avec un but. Et c'est le bon. Match qui a été annulé le week-end dernier. Il va se rejouer au mois de décembre, début décembre. Au mois de décembre. Ah bah oui. C'est bien loin. Je crois que le troisième de chaque groupe, si fait l'Europa League. Voilà, ils font l'Europa League. Mais bon, c'est moins la classe que la Champions League. Mais bon, c'est l'Europa League. Non mais c'est bien aussi. Enfin, c'est moins la classe. Alors sur Real de Madrid qui met pas de but encore. Hein. Ouais, pourtant il y a des grosses machines là-bas, dont Cristiano Ronaldo évidemment. Bon, 01 55 64 13 24 si vous voulez parler avec nous, vous n'hésitez pas bien sûr. On suit bien sûr les matchs ce soir. Il y a le Bayern aussi qui vient d'ouvrir le score là face à Cluj avec 1-0 donc. Et puis je vous en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents impliquant vos parents? Je vous explique. C'est une fillette de 2 ans en fait qui était comment dire. Donc c'était au Liechtenstein. Hein, ah déjà oui. Il faut vouloir habiter là-bas, mais enfin bon. Et donc bien. Du coup, il y a son père qui est au volant de la voiture, hein, et donc il se gare le temps d'aller mettre une lettre dans la boîte aux lettres. Sauf que en attendant, il y a la petite derrière qui a 2 ans, qui a rampé jusque au niveau du volant et qui a réussi à accélérer. C'est magique. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'elle a avancé tout droit, la boîte aux lettres étant tout droit, en fait, elle a coincé son père entre la voiture et le mur. Quelle horreur. Ouais, donc voilà. Donc il a été à l'hosto. Et alors, ce qui est bien, c'est que tu sais, le père a été à l'hôpital. Et alors attention donc la fillette est indemne. Oui c'est normal, il devait lui dire recule. Et elle accélère mais recule. Ouais, moi j'ai eu un grave. Truc comme ça, j'étais avec mon père se disputait avec un mec. En fait le mec lui était rentré dedans, donc mon père sort, j'étais avec mon petit frère dans la voiture, on commence à se battre et mon petit frère me pousse et je me suis appuyée sur le frein à main, du coup le frein à main s'est détaché et on est parti dans la pente et on s'est pris une autre voiture derrière. Mais non, ouais. C'est dur, ça fait penser comme dans le film d'horreur Esther là. Oui, genre elle enlève le frein à main pareil et t'as la petite sœur qui a 3 piges qui reste dans la caisse. Et c'est pas que la voiture, elle prend une vitesse d'enfoiré, elle dévale toute la pente comme ça. Mais nous, heureusement qu'il y a eu cette voiture derrière. Mon père, du coup, il est venu en courant et tout. Il a mis le frein à main, mais j'aurais pu mourir. C'était horrible. Ah bah, putain, ouais. Hein. Moi, je crois que j'ai coincé le doigt à mon père un jour dans une portière, fermé la portière de la caisse. Voilà, c'est ce que j'ai dit. L'index. Et là, t'as ton père, hein, qui est un daron. Il devient rouge, alors soit il fait une patate, soit il... Putain! Et là, tu entends ton père crier pour la première fois, mais alors, mais pas une voix aiguë comme moi, une voix de d'homme, mais en mode, un taureau, tu l'arraches les burnes. Comment tu vas faire quand tu seras père, toi? Eh ben, moi, je pense que... Si tu fais mal, tu vas te mettre des couilles ou pas? Ouais, il va en mettre deux de plus au cul. Il va en mettre deux de plus au niveau du fion, c'est pour faire. Tu vas te concentrer pour pas fracasser ton gosse. Quoi. Ah bah c'est ça. C'est à dire que là. Ça doit être horrible. Ah bah oui. Il m'a demandé d'ouvrir la porte tout de suite. Il m'a dit vite la porte. Et là dans la précipitation, tu sais plus quoi faire pendant une heure. Mais quoi? Et après t'as ton père avec un panari pendant une semaine et demie. Et c'est surtout que tu réfléchis, toi, tu te dis bon qu'est-ce qui se passe, tu regardes, t'analyses. Tu comprends pas au début, tu sais. Ouais, voilà, tu dis mais pourquoi il chante la Macarena. Tu regardes un peu, t'analyses tout ça, tu sais, t'es pas sûr. Et puis au final tu dis je lui ai claqué la porte sur le doigt, c'est dommage. J'avais fait pareil à ma sœur. Qu'est-ce que t'as fait? Quand je dis aux parents, c'est famille, parents, aux proches, hein, si vous avez comme déjà Pierre. Fait des accidents à la con. Hein. Le doigt dans la porte, comme Pierre à ma sœur, j'ai claqué parce qu'on se disputait et elle est restée coincée, mais son doigt tombait presque, quoi. Ouais, moi, ce que j'allais dire, mais c'est que c'est mon père qui l'a fait, sans faire gaffe. En fait, qui claque la porte, genre aux courses et tout, et j'avais la main qui traînait, et les 4 doigts, tu sais, la porte fermée. C'est-à-dire que t'entends le clac. Et j'avais les doigts comme ça et ressorti en mode en V un peu là. Et t'as pleuré ou pas? Oh, mec, j'ai hurlé sa mère. Bah, tu m'étonnes, mec, j'ai hurlé grave et j'ai insulté et tout. Ah, t'es con, ça court. Improbable, 8 ans, c'est bien. C'est trop belle. Le petit Kenny dans Ken Park. C'est ça. Il se prend une tarte dans la gueule, il s'arrête de suite de pleurer, tu sais. Et toi, le Corse? T'as déjà fait un truc à ton père, à la famille? Mon petit frère. En jouant. Je lui ai mis une bombe dans le fion. J'ai mis un coup de 22 dans l'épaule. J'ai mis le fusil de chasse. C'est cliché. Je sais pas. Vas-y, attends. Tu chassais le sanglier et alors. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais on s'amusait dans la chambre, puis on se dispute, on joue au ballon. Et je sais pas ce que je fais à un moment donné, énervé de perdre, donc mauvais perdant. je pousse mon frère, il frappe de tête contre le meuble de la commode, il s'ouvre la tête, mon, de suite en pleurs et tout, mon père qui monte dans la chambre, il voit mon frère en sang, mais. Oh putain, en sang, la violence. Écoute, moi, je crois que je me suis caché pendant 48 heures. 48 heures. Mon père me retrouve. Un peu comme moi, j'ai fait avec le bébé que j'ai fait tomber. Oh, putain, le bébé, ouais, c'est vrai, cette histoire. Nous, on avait éclaté la tête du petit frère d'une copine à moi. On était trois copines, en fait, chez une pote à moi. Et pour rigoler, on met une pote à moi toute nue. On avait des jeux très bizarres. Et on appelle son petit frère, en fait. Bon, on avait genre 13 ans. Et son petit frère avait genre 5-6 ans. Et on appelle son petit frère pour qu'il la voie à poil. Donc, on se tapait une barre. Elle était genre à poil. Crier, arrêtez, arrêtez et tout. Et en fait, quand son petit frère est arrivé, elle a eu tellement peur qu'il la voit à poil qu'elle lui a claqué la porte sur la tête. Il est resté coincé entre la tête et le mur, en fait. Mais elle a claqué tellement fort et elle voulait fermer la porte et la tête du gosse qui tapait. Je dis, non, mais arrête-toi, tu vas le tuer, ça va, si what the fuck, c'est pas grave. Et moi, c'est, c'était trop drôle. Mes cousins, on jouait au ping-pong et ils sont trois frères. On était gamins. Et en fait, je jouais tout le temps. Et du coup, ils jouaient contre moi, c'était chez eux. Et il y en a un, le plus petit des trois, il voulait tout le temps jouer, mais à chaque fois, les deux grands frères, ils disaient, non, c'est un jeu de grand, casse-toi. Et au bout d'un moment, il prend la raquette. Et de l'autre côté de la table, il la jette comme ça, mais pile dans le front de son frère. Wow. Et la raquette au pile milieu du front. Et là, ça fait POC! Elle s'est tous regardée. Et le mec est tombé. Le mec, elle est tombée, le truc. Il s'est regardé. Et notre cousin qui fait, quoi, ça va? Celui qui s'est pris le truc, hein. Et on lui fait, ne bouge pas. Et là, c'est pas qu'au milieu du front. Il avait une fêlée. Mais c'était putain d'ouvert, là. Oh, ta gueule! Et ça s'est mis sur le nez, comme ça. Il faisait quoi? Et il sentait rien, tu sais, de. Ouais, parce que c'est avec le truc qui dégage. Et du coup, on l'a amené à la salle de bain. On était seuls sans les parents. Et là, quand il a vu sa tête dans le miroir. Il tombait dans les pommes. Et là, tu sais que c'est, mais c'est là en général. C'est là en général que t'as mal. Tu sais, tu peux te faire super mal. Enfin, tu te fais pas mal en l'occurrence, mais tu peux t'ouvrir, le bras ou n'importe quoi. C'est quand tu prends conscience de ce que t'as. Ouais. C'est quand tu vois que tu dis. Et là, ça fait mal. Oh. Mais c'est comme moi, tu vois. Parfois, si je suis en train de bricoler un truc, je m'arrache un peu la peau, n'importe quoi, ça saigne. M'en fous. Et dès que je le vois, ah bah putain, ça mal. Et si je mets un sparadrap dessus que je ne le vois plus, il y a plus de problème. Ouais, mais si je le vois, ça fait mal. Au début, c'est comme putain, j'étais plus jeune, je balançais une canette de bière et il y avait ça s'est pris le toit au-dessus là, hein. C'est pas qu'il y a eu un éclat, mec, qui m'est mis sur le tendon, qui m'est entré dans la main sur le tendon. Ouais, bah j'ai eu le même délire. Et là, dans le mollet, je sentais rien et tout le monde disait, mais mec, tu pisses le sang. Et je me suis arrêté, vous êtes con, je sens rien, j'ai rien. Et c'est pas que j'étais bourrasque, c'est qu'en fait, le médecin m'a dit il y a un truc, il y a une hormone. Là, un truc comme ça, c'est de l'endomorphine, et du coup, ça t'endort complètement dans ton truc. Bah, c'est même quand t'es bourré, tu sens pas la douleur. Ouais. Bah, alors, je m'étais cassé le doigt au fond de ma piscine, mais j'avais plongé dans ma piscine en fait, et je m'étais défoncé le doigt au fond de l'eau en fait, le petit doigt. Et sur le coup, en fait, j'avais rien senti du tout. Le lendemain matin, parce que je me suis couché, vers 6h, je me suis réveillé, le doigt, mais avait triplé de volume, il était bleu et tout, je m'étais cassé le petit doigt. Mais j'avais rien senti parce que j'étais saoul. C'est bizarre parce que moi je me suis jamais cassé quelque chose, donc je sais pas exactement ce que ça fait comme sensation, si ça fait mal tout de suite ou pas, je sais pas, j'ai jamais eu le cas. C'est incassable. La pire histoire que je connaisse, la pire histoire, je vais vite parce qu'elle est un peu longue, mais je vais super vite. On était avec des potes, on se baignait dans un canal de merde parce qu'on n'avait pas l'occasion d'aller à la plage, et pour impressionner les nanas quoi, il y avait une espèce de cascade qui faisait genre 4 mètres de haut, avec une cascade quoi. Mais c'était vraiment un putain de canal boueux quoi, tu vois le truc dans les champs quoi. Et genre pour impressionner les meufs, je fais, allez, moi j'ai rien à foutre, je saute par-dessus la cascade, je tombe dans les remous et tout, mais genre en courant depuis la plateforme. Je saute, donc effectivement, mais en prenant de l'élan de bâtard, je cours, je saute, et là je tombe dans l'eau, et en fait je prends genre la jambe entre deux pierres. Ouh. Donc limite, genre 50 cm de plus, bah je parlerai comme ça. Tu vois, enfin, un mec, tu as failli être castré, quoi. Ouais, en gros. Ouais, castré, enfin pas naturellement en l'occurrence, mais bon. Mais ouais, voilà. Et je me retourne pour dire à mon pote, ne saute pas. J'ai pas le temps de lui dire, le mec sans élan. Eh, regarde, eh, pauvre con! C'est ça. Et là, c'est pas que c'est sans élan. Moi, j'avais pris juste 20 mètres d'élan. Lui, sans élan, mais il saute pas, il plonge. Oh, et là, mon pote, il est pas rentré dans l'eau. 4 mètres de haut, j'étais dans le canal, je faisais comme ça, et j'ai encore le bruit. J'entends. Un truc tellement sourd, et le mec est ressorti de l'eau, le crâne ouvert. Déjà, il est ressorti, c'est pas mal. Mais vraiment, et il flottait comme ça. Il était inconscient, en mode et le crâne complètement ouvert. Mais moi, je vais vomir. J'ai pas pu bouger de toute ma vie. Je m'étais dit comme tous les gamins, je vais être pompier et tout. Deuxième but. Ah putain, deuxième but pour l'OM. Yeah. C'est bon, Gignac. Ça. Un doublé de Gignac. Allez Marseille. Ah bah ça y est, il met des buts. C'est Fredo qui doit être content là. Il en avait pas encore mis. Ah ouais, il en avait pas encore mis depuis qu'il a Marseille. Gignac. C'est maintenant ou jamais. Bref. Et donc du coup, ça s'est fini comment alors? Et ça s'est fini que moi j'étais tétanisé dans l'eau. C'est ce jour-là que j'ai dit je serai jamais pompier de ma vie en fait, parce que genre l'urgence je la gère pas du tout. Le mec était vraiment inconscient dans l'eau et tous m'ont regardé. On était une vingtaine. Ils ont capté qu'il y a dans mon regard qu'il y avait un vrai truc qui allait pas, parce qu'ils ont pas vraiment fait gaffe que l'autre était pas rentré dans l'eau. ils sont descendus en courant, ils se sont jetés dans les ronces et tout le bordel, ils l'ont chopé, le mec il a fini à l'hôpital s'il te plaît. Ils lui ont enlevé un rein. J'ai envie de vomir là, j'imagine son sang. Ils lui ont enlevé un rein. Mais parce que quand il est tombé, non, quand il est tombé, il s'est tassé les les organes. Putain, le mec était super casse, c'était un rugbyman de ouf et les pompiers nous ont dit mais heureusement à la fois et pas heureusement qu'il était costaud parce que du coup il est costaud, la chute était plus lourde. Il aurait pu se briser en fait, voilà, il aurait pu se machin et il dit le rocher il était arrondi comme il a tapé parce que c'était ouvert, c'est la boîte crânienne ouverte hein. Mais si ça avait été rocher pointu, il dit votre ami s'était pointé planté dessus. Ouais. Et chaque année il y a des accidents quoi. Ça serait percé là et là où c'est juste la carcasse qui a été ouverte. Ah, mais c'est tout ça tout, si il avait pointu, le cerveau est explosé, c'est pas quoi. Une autre histoire pour vraiment revenir sur le côté familial entre enfants, parents et tout. Et là c'était il y a 2-3 jours dans les faits divers du 20 minutes, je sais pas trop quoi. C'est pas que je vois une news mais là c'est trop con mais c'est vraiment le sketch des inconnus avec les chasseurs là. C'est le père chasseur qui bute son enfant, s'il te plaît. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Oh, c'est pas drôle, mais pour c'est le coup, son enfant de 6 ans, il l'a confondu entre avec un bon et un mauvais chasseur. Ah, mais là, c'est ça pour le coup, bah. Oh là, il y a un gros gibier. C'est là pour il a confondu son fils avec un sanglier. Non, mais pour le coup, il a tué son putain de fils. Non, mais il a tué son fils, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, sa vie, elle est flinguée, quoi. Tu vois le sport, quoi, la chasse. Ouais, il va mais dans 3 jours, il se tire dessus, là. Et toi, Michael, attends, une autre histoire aussi. C'est pas que, dans un mariage. Vas-y, coupe-moi la parole. Non, mais toujours dans la relation père-fils. C'est pas que, au mariage, le beau-père tire sur son beau-fils. Tu sais, c'était dans un, c'est récent aussi, je crois que c'est hier ou aujourd'hui. Et pourquoi? Mariage, il tire sur son beau-fils. Un mariage pour montrer sa joie, il voulait tirer en l'air. Non, le con. Sauf que ce connard-là, il tire sur le mari de sa femme. Voilà. De sa fille. Oh, putain. de son oncle. Mais il y avait une histoire comme ça, une démonstration d'un nouveau flingue à l'armée, et le mec, il s'était mis devant toute la foule, il pensait qu'il y avait des, aux États-Unis, c'est ça? Non, France, à Carcassonne, et je connais le mec. Ah oui, à Carcassonne, il avait tiré sur toute la foule. Je connais le mec. Non. Il avait pas le mec à tirer, but, son troisième. Oh putain, 3-0. Oh, putain. Hey. C'est Heinz. Fredo là, il doit être en érection. Il est en route là. Et moi j'ai pareil, mais. Et tu, on parle de mort et on est à l'eau. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bah non, mais bon, après, il se la joue Benfica là, hein. 3-0 là pour l'instant, les Marseillais. Mais non, lui, c'est qui? C'est Heinz. C'est lui qui vient de mettre le but là. Tu disais, je sais pas qui c'est tout à l'heure là. C'est Heinz. Heinz. Comme le ketchup. Comme le ketchup, exactement. C'est écrit pareil. Exactement la même chose que oui, c'est vrai, c'est clair. Oh putain, il est beau en plus. Ah ouais, un but de la tête, hein, sur un corner, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que tu me disais, toi, le Corse? Ah oui, et moi, oui, bah toi, écoute, parce que tout le monde a parlé. Bah moi, j'ai jamais eu vraiment d'accident. Ah si, ouais, une fois. Bon, c'était pas grave en soi, mais bon, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais laissé j'étais en train de bricoler avec mon père, tu sais, il chipotait, je sais même plus quoi, mais j'étais tout petit, hein. Enfin, je devais avoir 5-6 ans, quoi. Donc, tu sais, je l'aidais sans vraiment l'aider. Et donc, tu sais, moi, j'étais en train de jouer avec tout ce qu'il y avait dans le garage, des conneries. Et puis à un moment, tu sais, j'avais trouvé de la glu, en fait, j'ai joué avec, et sauf qu'à un moment, il a pris le truc où j'ai mis de la glu dessus, et donc en fait, bah, ça m'est resté collé, quoi. Oh putain, oh putain, voilà. Ils ont dû enlever. Non, la mais il a senti direct qu'il y avait quelque chose de liquide, qu'il devait avoir rien à foutre là. Il m'a regardé, il a vu le tube de colle, direct, il est monté. Je le vois trop tout petit avec sa tête, j'ai fait une bêtise. Ouais, tu parles. Il avait foutu, il a mis de l'eau chaude directement, et en fait, avec un cutter, il est passé entre. Ouais, bah oui. Pour enlever déjà le je sais pas s'il avait un outil, je sais pas quoi, et en fait il restait de la colle sur la main, quoi, tu sais, donc il avait un petit peu coupé dedans, malheureusement, mais c'était pas grave, hein, tu vois. Et donc du coup après il a fallu râper, mettre de l'huile, tout le bordel pour enlever la colle et tout. Tu t'es pris une grosse rouste? Non, pas du tout, jamais, j'ai jamais reçu une patate. Moi je connais dans le même style d'histoire, une copine elle avait laissé les plaques allumées. Et sa mère lui a dit c'est bon, t'as tout éteint et tout. Donc genre une heure après la mère arrive. Mais c'était des plaques où tu vois pas quand il fait quand la chaleur est. Ouais, je vois le délire. Ah oui, les chez moi. Ouais. Et du coup la mère a laissé sa main et elle est restée collée. Ah, les plaques induction. Oh, induction là. Pfou, putain. Horrible. C'est très dur. Hein. Ah ouais, là pour le coup, ouais, c'est terrible. Non, bah c'est clair, c'est clair. Tu claques, tu as plus de. Non, mais c'est à dire que c'est du chewing gum, ta main. Je m'aperçois que moi aussi j'ai fait mille conneries parce que un essaim d'abeilles une fois. Et avec une pierre, et mon pote, chez un pote, hein, il me fait, non, fais rien et tout, on va appeler les pompiers, et on pouvait pas sortir de chez lui. Je vois ça, c'est pas 3 abeilles, hein. Et moi, en mode, je flippais des abeilles, hein. Je prends une pierre, s'il te plaît. Je le défonce, les seins d'un coup. Ah bah, attaque d'abeilles. Ah bah, tu m'étonnes. Et mon pote, il s'est fait défoncer. Moi, j'ai rien eu, je suis rentré dans la baraque. Et lui, il s'est fait défoncer parce que ça va putain de vite et elles attaquent direct. Mais ça, c'est violent. Parce que moi, j'étais pompier volontaire en Corse et on nous appelle quand il y a les naissances d'appel. Je me vois bien, c'est lui le pyromane. Il a tout pour aller après. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai ma de canne. Non, mais tu as une fausse impression de moi. C'est bon, attends, on va chercher le terrain, il est pas cher. Donc, je t'ai dit, on m'appelle pour enlever un essaim de guêpe et un combi, tout ça. Comme c'est violent. D'une violence, comme elle t'attaque. Ça pète, elle te vise dans le casque. Ah, bah, c'est ouf. Oui, c'est énorme. Tu te fais attaquer par et ça. T'as une protection à la tête, ouais, et oui, tout partout. Casque, tout ça, mais tu te fais attaquer par un essaim. Voilà, ton pote, il a dû morfler, Mika. Ouais, bah, mec, je te confirme, ouais. Mais vraiment, il m'en a voulu. Je crois qu'on se parle plus. Mais dans ces cas-là, faut pas courir et parer. Non, bah non, il vaut mieux pas. Oh bah, tu vas pas rester comme ça, regarder les guêpes. Hein, enfin, les non, mais parce que si tu cours, tu les excites. Ouais, tu sais, même quand t'en as deux. Si elles sont. Si elles mais non, font parce la démarche, regarde, il y a des mecs qui se mettent des. Des non, mais eux, ils sont cool. Ils restent à côté de l'essaim, mais ils sont cool. Ils font pas de mal. Alors que là, si tu t'es violent et tu tapes dans l'essaim, c'est vrai, quand t'arrives au milieu, effectivement, tu restes là, bah pour elles, c'est comme si t'étais un arbre. Elles vont pas aller piquer un arbre. Donc tant que tu les. Tout doux avec elle, ça va. Donc tu fous pas la merde. Si tu les agresses, c'est dur, tu vois. C'est clair que là, il faut courir et aller dans l'eau, tu sais, en mode. Tu vois, mais après il faut respirer un jour. Ouais. Ah bah moi, en connerie, j'en avais fait une belle aussi. Moi, j'avais quand j'étais petit, encore une fois, décidément, j'avais une couette. Et je l'avais prise dans le salon parce que ça il faisait froid. Et donc à un moment où je voulais la remettre, je sais pas, j'étais persuadé que ça allait faire comme dans les films. Vous savez, j'allais prendre la couette par la fin, j'allais la lancer et bloum, elle est retombée nickel quoi. Sauf que bah dommage, en fait, j'ai abaissé ma tête et je me suis tapé le nez contre le rebord du lit qui était en acier. Oh, ça a commencé mec à pisser le sang mais d'une force. Et du coup, t'as le nez cassé, tu t'es cassé non, le nez. Non, heureusement, je me suis pas cassé le nez, mais à mon avis, c'était pas loin, hein. Et, du coup, ça pissait le sang, j'ai dû glaçon tout le bordel pendant une heure et tout pour arrêter. Pas grave, mais relou, quoi. Ah ouais, ça, bah, voilà. Ça doit faire ça, très mal, je pense. Ouais, bah, ça fait mal, ouais. Mais surtout quand t'es petit, en fait, c'est parce que tu vois le sang, tu sais pas très bien ce qui se passe, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Dans les films, ça marche. Dans les films. Pas. Qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris. J'ai pourtant fait la même chose. Bon, si vous voulez nous appeler, 01 55 64 13 24, allez-y. Et puis on va se mettre Rihanna maintenant avec Only Girl in the World. C'est parti. C'était Rihanna avec Only Girl in the World. Et donc, retour après la petite demi-heure là de jeu sur les matchs de la Ligue des Champions ce soir. Les matchs retour. Zilina Marseille, 3-0 pour Marseille. Milan face au Real, c'est 0-0. Bâle face à la Roma, c'est 2-0 pour la Roma. Chelsea, Moscou, c'est 0-0. Shakhtar Donetsk face à Arsenal, c'est 1 partout. Et puis, Bayern Dominique qui gagne 2-0 face à Cluj. Et le Sporting Braga, le Portugal, qui est toujours à 0-0 face au Partizan Belgrade. Sans oublier Auxerre Ajax avec 1-0 pour les Auxerrois, un but à la c'était à la 9e minute hein, je crois sur un tir apparemment de Frédéric Samaritano. Voilà, donc si vous avez les images n'hésitez pas à commenter hein, si vous voyez quelque chose qu'on peut pas voir, parce que nous on a que Marseille ce soir et c'est pas mal au final puisque 3-0 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ils font changements le c'est un beau match là. Zosac. Ah bah pour Marseille c'est bien, ouais, c'est-à-dire que là ça va peut-être les motiver là après à remettre la patate en même temps. T'imagines comme c'est le jour de sa vie au mec qui vient de rentrer là. Zosac, je sais pas quoi, du Zilinia, bah je sais pas, le mec il jouera plus jamais face à l'OM comme ça, un truc. Bah tu sais pas. Mais bon, parce que c'est, on est d'accord que c'est une équipe improbable en face. Zilina, bah j'en sais rien, c'est en même temps, est-ce qu'en Slovaquie ils connaissent Marseille? Je sais pas. Bah non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois, bien sûr, qui ne connaît pas Marseille. Mais arrête. Et c'est comme Bayern qui joue contre Cluj. Bah non, je sais que c'est en Croatie, je crois. Tu rigoles, quand je suis parti à Miami. J'ai rencontré deux mecs, ils m'ont demandé d'où je venais, j'ai dit Marseille, ils m'ont dit ah je connais Marseille, la bouillabaisse et tout, hein, j'étais trop fier. Ah bon? Alors même aux États-Unis on connaît bien Marseille. Ouais, bah écoute, comme quoi hein. Ouais, mais enfin entre les États-Unis et les pays de l'Est, il y a quand même une marge hein. Ouais, c'est clair. Oui, mais bon, c'est pour te dire qu'on traverse les frontières. Ah oui, mais j'ai pas dit que personne connaissait. Bon, les pays de l'Est, c'est les bûcherons, alors, ça veut rien dire ça. C'est les bûcherons les mecs. C'est des a priori que tu le fais comme nous avec les Corses. T'as vu un peu hein, ces a priori dégueulasses là. Ouais. Ouais. Bon, des places pour Sum 41 aussi à gagner, des places de concert si vous voulez choper ça, 01 55 64 13 24. Bah vous nous appelez, vous tomberez sur Vincent Standard. Pareil si vous voulez parler avec nous là non plus, il y a pas de problème. Et puis on parle encore des accidents à la con hein. Donc si jamais vous avez fait des conneries, il y a Marina qui dit, enfin c'est pas vraiment des accidents, c'est des accidents où vous avez impliqué quelqu'un, genre papa, maman, frère, sœur, copain, copine éventuellement. Marina qui dit, ou alors j'ai passé mon pouce sur la lame d'un rasoir, bah mon pouce est devenu à moitié une ficelle. Alors tu sais ce que j'ai fait. Ouh, mais je crois que je vous l'avais déjà dit et je ne peux pas raconter cette histoire sans avoir très mal. Refais-le toujours, on sait jamais. Quand je bossais, oui, je sais, en charcuterie tout ça, dans un supermarché, je bossais au rayon charcuterie et tu sais la roue qui coupe le jambon. C'est tellement sexy. Oh, j'ai très mal, je la nettoyais et sauf que j'avais oublié de la mettre au niveau zéro. Donc je fais ça avec l'éponge et t'es ta gueule et je fais ça comme ça et elle s'est plantée dans le doigt dans la longueur sur 1 centimètre j'étais comme ça très et la douleur était telle que je suis tombé dans les pommes mais tu m'étonnes mais réellement et comment t'as une cicatrice parce que sur le non rien du tout mec putain je n'ai rien du tout mais c'était une horreur le ça a pissé le sang sur, de partout sur le jambon s'il te plaît et tout surtout que t'as pas osé l'enlever non là tu savais pas quoi faire j'ai fait ça et l'enlever. J'ai fait la douleur et je ça me lance dans le cœur là aussi là, c'est relou. Tu sais comme c'est fin cette putain de roue qui coupe le jambon, c'est super dangereux. C'est ce qui est arrivé à Greg de Top Chef hein. Si ça lui est arrivé alors. Ouais. alors évidemment, c'est différent évidemment. Bah, moi ça m'est arrivé un jour au truc mais aussi pardon, je me suis pété le sourcil. Je faisais le con, j'étais chez ma tante et je descendais. Ils ont bien repoussé, hein. Je descendais, bah je te confirme, heureusement, hein, ça cache la cicatrice qui est en dessous. Et donc je descendais des escaliers, tu sais, accroché sur la rampe, tu sais, pour que ça aille plus vite. Ouais. Sauf que j'ai pas réussi à freiner, je me suis pris la porte avec une vitre devant et boum, je suis passé au travers. Donc ça c'est dommage. Et il y a Tania aussi qui dit une fois il y a la maîtresse qui nous envoie remplir le vase d'eau avec une copine. Elle précise ne courez pas dans les escaliers. Je descends calmement, puis je remonte évidemment en courant. Je suis tombé, le vase a explosé. J'ai posé ma main sur un bout de faïence, ça pissait le sang, je riais. Oui, je riais. D'ailleurs, j'ai une sacrée cicatrice due au fait qu'il aurait sans doute fallu des points de suture, mais qu'ils m'ont soigné au mercure chrome. Le pansement des héros. Ouais, tu parles. En l'occurrence, là, ça fait une sale cicatrice dégueulasse pour le coup. 4-0 pour Marseille, les gars. Putain, mais le Floridèche, on dirait qu'on joue à FIFA. Camille but, on sait ou pas? On sait pas. Bon bah c'est dommage. Non. Ah ouais, 4-0 pour Marseille là pour le coup, ça y est, c'est la fête à la saucisse hein. C'est comme il s'appelle le frère. Oui, voilà, je viens de voir sa tête. Les deux frères qui jouent. Non, c'est Rémi. Ah, les fils de c'est les deux d'Abedi Pelé. Les fils d'Abedi Pelé. Non, de Basile Boli, non. Non, Abedi Pelé. D'accord. Les frères Cohen. Ah ouais, ou je sais pas quoi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est Rémi qui vient de mettre le but. Ouais, attention le nom, je sais pas le dire, Slika, je sais pas quoi, ils ont failli marquer. C'est Zina effectivement qui a failli marquer. Bref, peu importe, pas grave, même s'ils mettent un but, on n'est pas non plus. Ah, il y a un penalty? Non, je sais pas. Non, il y avait hors jeu, il y avait rouge là. Ah, fais voir. Ouais, jaune. Fait. Oh, bah, je sais pas. Il se jette. Non, y a pas ça. Il y a péno pour Zilina. Il y a penalty. Il y a faute là. Au moins, ils peuvent mettre un but, hein, tu l'as dit. Regarde là. Et là, boum! Oh, il le fait. Ah, merde. Ouais, non, bah, je sais pas s'il y a un rouge, mais en tout cas, effectivement. Ah non, rien fou là. Ni jaune, ni rouge, ni penalty. C'est-à-dire que le mec. L'arbitre, il a rien vu. Ah, le mec, il a rien vu, dis donc. Ah, le Sporting Braga qui vient de mettre un but. Ça fait plaisir. Ah c'est bien, t'es content là. Bah ouais, et mon Arsenal, s'il met un but Arsenal encore et que ça reste comme ça, là j'ai fait combien t'as gagné? J'ai fait le plein. Bah, j'ai fait le plein, mec. Ah, tu paries sur des Anglais? Ah bah non, je m'en rien foutre, moi je parie sur l'argent, moi. Mais Kyle, on m'a dit que si tu gagnais, j'ai mis 6 euros, j'en prends 100. Ouais, et on m'a dit que tu habitais Fredo au resto, c'est vrai. Bah il faut d'abord qu'il me réponde, hein, parce que là je vois qu'il parle sur Facebook, mais quand je lui pose des questions, par contre il répond pas. Donc mais il m'a dit qu'il te faisait la gueule. De quoi? Ah bon, mais ça se voyait pas comme le nez au milieu du visage, tiens. Ah, il te fait la gueule. Ouais, bon, c'est un petit peu comme d'habitude. Oh bon, tu sais, l'histoire est tellement longue. Alors je reviens il y a 6 ans. C'est les feux de la montée en Belgique. Ouais, non, mais on est casse-couilles lui comme moi. Et puis voilà, mais. Ah, surtout lui, hein. Ouais, bah lui aussi. Bah là, pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, il a un peu une avance sur lui, moi. Mais lui, en plus, il est un peu idiot comme personne. Physiquement, il est difficile à accepter. Ouais, il est pas. Enfin, il a rien pour. Je ferme ma gueule. C'est propos n'engage que Mika. Non, mais Mika, je pense que tu vas passer prendre ton contrat, hein, demain. Ouais, mais la feuille jeune. D'ailleurs, s'il y a un mec qui se sent de faire de la radio, cherche quelqu'un le matin. Bon, le soir, on est nombreux, donc à la limite, on n'est pas obligé de te remplacer. Mais, attends, avant que je récupère la feuille jeune, faut que il arrive à écrire dessus. Il y a des gens qui s'incrustent. T'as entendu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a dit? Oh là. Mika, qu'est-ce qui t'arrive? T'as dit quoi? Non, je disais qu'il va falloir qu'il arrive déjà à écrire sur la feuille jeune. Tu devrais parler de chiffon là pour finir, hein, et peut-être même de ouais, bah et après, partir en beauté. L'espèce de clébard de merde qui pue là, qui ressemble à rien là. c'est, on dirait une brosse à chiottes. En fait, il a, Mika, il a gagné au loto, il a signé un contrat énorme ailleurs, et là, il est en train de nous la. En fait, il a été pris, j'étais à faim. C'est un personnage, c'est une vanne. Non, mais c'est trop tard, en fait. Je viens d'avoir c'est faux. Quand je te faisais des grands yeux, tu disais, genre, un fou, tu mettais des gros doigts et tout. Oh, il m'a envoyé un texto. Ah, fort. Il y a Gaëtan qui dit, Mika, tu vas prendre cher. J'ai l'angoisse du ventre pour toi, là. Mais non, mais il sait que je plaisante, Fredo, ça va. Il t'a envoyé un texto, là? Ouais, il m'a envoyé. C'est marrant parce que je lui ai envoyé un texto, il m'a pas répondu, moi. Il m'a écrit, calme-toi, il m'a dit. C'est bizarre. C'est bon, ça. Il rigole jeune, Mika. Avec un point. Ouais, je suis pas bien, comme la feuille. Attends, je vous adore. Non, mais Mika, il profite de la situation, comme il y a son club qui gagne. Donc, easy, tu sais. Attends, je vais lui envoyer un message. À lui, vous répondez. Je lui ai envoyé un message juste avant. Hein, oh, donc, le vieux couple. Oh, c'est irréel. C'est bon ça. C'est dur quand même. T'es sûr que t'es pas amoureux de Fredo, toi, Mika? Ah non, non, non, non, non, non, c'est la coupe de cheveux qui pose un problème. Toi, c'est Mika, elle. J'en peux plus des Mikaël, putain. Ah bah, je mais attends, pas, c'est un prénom rare. Viens, on vous appelle par un autre truc. C'est un prénom, bah appelle-le, je sais pas moi. Antoine, Rudy. C'est rigolo, voilà, mais les trois Mikaël que je connais, c'est trois bombes. Ah ouais, t'as vu. Ils sont pas là. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ah bah, t'en connais deux de plus maintenant. Ouais. Bah oui. C'est bien. Ouais. Moi, de toutes les Céciles que je connais sont dégueulasses, mais à l'unanimité, hein. Tous en fait. Ah ouais, c'est mais quand ça, tu m'embrassais et que tu me faisais l'amour, tu disais pas bah, ça. C'est parce qu'il était, c'est parce qu'il était à la ramasse quand je te tapais dans la motte. Il était bourrasse. Il était bourrasse, exactement. C'est horrible. Ouais. Oh, j'aurais appris deux expressions ici en venant chez Goom. Taper dans la motte et le barbu. Ouais, et j'ai une petite préférence pour le barbu, ça me fait beaucoup rire. Allez, parlons d'un truc gay maintenant. C'est un mec qui a tué lundi sa femme. Oh, cool. Ah, c'est cool. Il l'a égorgé. Pourquoi? Faut deviner. Ah, il a fait ça bien au moins. Il non. A pété dans le lit, elle a pas apprécié comme la dernière fois. Non, non, non, pas du tout. Bah, je sais pas exactement la raison. En fait, ils étaient, ils se sont disputés dans leur voiture. En fait, l'homme a sorti un couteau, il l'a égorgé. Après, il a tenté de se suicider, il s'est égorgé également. Mais sauf que lui, il a survécu parce qu'il y a les secours qui sont arrivés, donc ils l'ont sauvé, quoi. Mais arrête, tu sais que j'ai trop peur maintenant à force de toutes vos histoires. Quand je rencontre des gens. Bon appétit, hein. Ouais, merci, c'est un petit panier de yopli à l'abricot. Bah ouais, bah tant mieux. Et quand je rencontre des gens, maintenant je me dis, on connaît pas bien personne et tout. Un mec, j'ai on connaît pas bien personne. On connaît bien personne. C'est un panier de yopli avec un peu de whisky au fond. Tu peux dire au début de l'émission que tu n'aimes pas parler français non plus. Hein. Non, j'aime pas trop ça, j'essaye de me mettre à haut niveau. Et du coup, maintenant j'ai peur de. C'est de merde. Ah, c'est dur. Laissez-la finir, ça va être. Un mec de 6 ans qui a fait la même vanne. Bon alors. Bon, non, ils m'ont cassé les couilles là depuis 20 heures. Quand tu rencontres des personnes que tu ne connais non, pas. Tu as peur de tomber sur des psychopathes, c'est exact. Non, mais ils m'ont saoulé. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces histoires, moi j'ai plus confiance en l'homme. Hein. En l'homme. Oh là là. Non mais c'est vrai, t'imagines, t'es avec ton mec tranquillement, d'un coup le mec sexy. Les meufs, c'est pareil, hein, s'il te plaît. Hein. Non, mais... Toutes les nanas qui coupent la bite à leur mari là, parce que. Et celles qui se foutent une lame de rasoir dans le palais. Exact. Arrête, c'est bon ça. Bah ouais, avec la lame sortie vers l'extérieur, et elles font ouais, bien sûr, chérie, je vais te sucer, pas de souci. Et là, bam, et la kékette en deux. Mais c'est déjà arrivé en Thaïlande, ça. Je regardais une émission sur Planète, pardon. T'étais les en femmes... Thaïlande? Non, je regardais une émission sur Planète. Ah, non, mais il était pas en Thaïlande, regardait l'émission, sinon il sort en ville. C'est très drôle, Pierre. Tu pourrais la refaire. Mais. T'aurais été obligé de renifler. Non, c'est pas Laurent Baffy, c'est Laurent Baffo. Hein, tranquille. Tiens, la vanne, mais pas assumée jusqu'au bout. Donc, pour revenir à ce que disait Mika, elles se mettent des lames de rasoir dans la chatte et quand le type rentre. Oh. Mais non. Ouais. Pourquoi? Comme ça? Comme ça. Préviens quand tu dis ce genre de truc là, mec. Il faut mais qu'on ça se. J'imagine. Moi ouais, j'ai fait mal, pareil avec un piège à loup. Et dans ton cul. Un piège à ours. Oh mec, calme-toi. Un piège à loup? À ours. À ours, c'est plus gros. Ouais, ours, c'est pour plus gros, toi. Ouais. Mais bien sûr. Un piège à requin, toi. En bout, j'ai juste mis de l'insecticide. Prendre de petites vermines. T'as une vie, ça va pas ce soir. Prendre Joe Lavane. Allez, oh, t'es là, toi. Allez, parce que j'ai pas envie d'être là, en fait. Ce que je propose, c'est qu'on aille faire une petite pause. Martin Solveig maintenant avec Hello. Et on revient juste après, comme tous les soirs, au 01 55 64. Alors, le Corse, c'est très très dur. On refait, ça. On refait, on refait. L'autre, il met la musique à fond et il me coupe le micro avant que je termine, quoi. On s'est pris, laisse la musique à fond. C'est très très dur. Chute. Le son de Martin Solveig à l'instant avec Hello. Et c'est la mi-temps sur les matchs, là, les différents matchs. Marseille, enfin, Zilina Marseille, 4-0 pour les Marseillais, c'est la mi-temps. Le Real qui a ouvert le score 1-0 face à Milan. Roma qui a ouvert le, enfin, qui a plus ouvert le score puisque c'est 2-0 face à Bâle. 0-0 pour Chelsea face à Moscou, 2-1, et oui, dommage pour le Shakhtar Donetsk face à Arsenal. J'avais misé sur Arsenal, c'est dommage, mais c'est pas terminé non plus. Le Bayern de Munich 2-0 face à Cluj et le Sporting Braga 1-0 donc face à je ne sais plus quoi puisqu'il y a eu un refresh et donc je ne vois plus quelle équipe, c'est dommage. Et puis 1-0 aussi pour Auxerre face à l'Ajax Amsterdam, c'est la mi-temps, on va voir comment ça va se passer bien évidemment pour la suite. Oh, je viens de tomber sur le mur de Mika Goum, c'est très très dur hein, la photo qu'il a devant le mur Goum, hein. Il est là avec sa chemise à moitié. Ah oui, il est en mode beau gosse. Hein. Mais toutes ces photos c'est comme ça, en mode soit Gainsbourg ou le mec torturé ou le beau gosse, le beau gosse torturé, c'est le mec torturé, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bon. Partisan Belgrade, hein, voilà. D'accord. C'est ça. Voilà, exactement. Le Sporting Braga, voilà, c'est ça. C'est Partizan Belgrade. Bref, donc nous sommes de retour, comme tous les soirs au 01 55 64 13 24. Vous balancez vos messages également. Il y a Ami aussi qui dit. Et sinon, en son de la cave, un petit Our Lady. Oh oui, Our Lady Peace. C'était bien ça, Our Lady Peace. Superman's Dead. On le mettra peut-être tout à l'heure. Tiens, je vais voir. Je vais voir si je le retrouve et pourquoi pas. Audrey qui dit ce son, qu'est-ce que je l'aime. C'est vrai qu'il est bien le son de Martha Solveig qu'on vient de mettre. Je vous ai dit que j'avais participé au clip. Je le répète. De Martha Solveig. Oui, je pense que tu l'as dit assez régulièrement. Hein. Oui, mais ça s'est très très bien passé. Ah, mais je suis ravi. C'était à Roland Garros et c'était extraordinaire. Oui, extraordinaire. Nous étions au premier rang. Moi j'étais et en mère. Loge avec mes amis et nous avons croisé Joe Wilfried Tsonga. Voilà, c'est tout. C'est bien. Et ce week-end, je vais à Bercy aussi. Il y a le tournoi de Bercy. Non. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Non, mais dimanche, je vais à la soirée. Il y a Wax Taylor. Oh là là, c'est génial. Dis donc, quelle vie. Dimanche soir, c'est ça, ouais. Une vie de Rosta. Non, c'est le 14, c'est dans la semaine prochaine. Non, ça commence dimanche, l'ouverture de Bercy. Ah oui, ça dure une semaine. Du 6 au 14, exactement. Très bien. Bah t'aimes voilà. Le tennis, Michael? Non, alors ça parce c'est que vraiment si t'aimais, j'aurais pu t'offrir des places. Non, moi je veux deux, moi j'ai une place. C'est un sport chiant. J'aimais pas le foot. Maintenant, ouais, je me suis pris au jeu parce que je m'amuse en mettant des petits paris. Donc voilà, ça m'amuse. Mais après, je m'en branle hein, du foot concrètement. Mais alors le tennis, enfin, si je me mate un match, ça passe. C'est pas, enfin, ça dépend quel match, mais le tennis. Mais je te jure, j'aimais cool, pas, tennis, mais de plus en plus, j'apprécie. Ah, mais moi, quand t'as des belles rencontres, attends, tu fais trop bien attends, le match attends, de tennis. Attendez, chacun son tour. Je disais, quand t'as de belles rencontres, c'est vrai que là, on en a un peu marre parce que c'est toujours les mêmes, là, Roger Federer ou encore Nadal. Mais c'est vrai, les beaux matchs, je te jure que ça tient en bouche et j'aime ça. Et les femmes, quand elles jouent. Faut couper cette phrase, hein, ça tient en bouche et j'aime ça, faut couper cette phrase. C'est clair. Faire un liner avec. Oui, c'est vrai, ça peut être pas mal. Salut, c'est Cécile, ça tient en bouche et j'aime ça. Tu as vu le bruit que font les femmes quand elles jouent au tennis? On dirait qu'il y a un rapport sexuel sur le. C'est vrai. Je suis sûr que tu te sors le kikouné, tu te touches. On n'est pas la vraie qui se branle, hein, mais oui, mais bien sûr. Hein. Évidemment. C'est naturel. Mais oui, c'est naturel, bien sûr. Bon, les 0 à 55, 64, 13, 24, si vous voulez nous appeler, il y a Vincent qui est au standard, donc allez-y. Il y a des places aussi pour Sum 41 qui sont donc chopées. Hein, donc si jamais vous avez envie de les choper, c'est gratos, profitez-en. On vous les file jusqu'à 23h, donc 0 1 55, 64, 13, 24. Et puis on va parler de trucs qu'on a peut-être déjà un moment ou un autre avalé. C'est un chinois à Shanghai qui a été hospitalisé. Directement la chirurgie, il a avalé une baguette. Oh merde. Une baguette de pain non, une baguette chinoise. J'attendais que ceci de la claque. Mais une baguette je pense à chaque fois. Bah oui, une baguette pour le riz quoi, tu vois. Il a bouffé une baguette ce qu'est-ce quoi. Qu'est-ce que tu fais le riz dans cette histoire? Je sais pas comment il a fait, mais bon, il a 50 piges, il s'appelle Zhang. C'est peut-être ça le problème, hein. Ah oui. Et donc, apparemment, il a passé plus de la moitié de sa vie avec la baguette dans le ventre sans en souffrir. Donc ça, c'est bien. Jusqu'à ce qu'il ait quelques problèmes gastriques, en fait. Et donc, du coup, il a été voir un médecin et le médecin a vu que, il avait une baguette qui s'était courbée avec les années. Et donc, elle a été retirée avec une opération abdominale, en fait. Il devait chier en lamelle, le mec. Bah non, même pas, apparemment. C'est bizarre, hein. Je sais pas. On a retrouvé un crayon à papier dans mon ventre. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il avait effectivement avalé la baguette et comment c'était arrivé. Mais quel con. Peut-être qu'il se l'est mis dans le fion. Tout le monde s'en fout. Vous avez pas entendu? Si, t'as mangé un crayon. Mais c'est vrai. Et on m'a opéré pour me l'enlever. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, c'est vrai. Quand j'avais 4 ans, mais un mini crayon IKEA là. C'est la taille du crayon IKEA. Oh là là là là. Et ce que j'ai fait une fois, moi, c'était avec un stylo bic. Tu sais, stylo bic, t'as le capuchon bleu là, la con. Je faisais ça, je m'amusais dans la bouche comme ça. Et tu l'as avalé. Plac. Et je fais. Et c'est pour ça qu'il y a un trou dedans là. Et c'est pour ça qu'il y a un trou. C'est pour pas que les jeunes ils s'étouffent. Exactement. Et là, mec, je me mets à machin. Ouais, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Ouais, pour que merde. Tu puisses continuer de respirer. C'est pas con, c'est vrai. Et, bah ouais. Et je crache le truc. Et là, mon prof d'histoire de l'époque, il fait une vanne. Bon, arrête un petit peu là, Michael. Alors, attention. Et là, il le fait... perturbateur. Allez hop, tu sors. Casse-toi. Vous savez, le mec qui meurt devant la porte. Tu fais bien le prof. On dirait que tu as fait ça tout seul. J'aurais bien voulu. J'aurais serré le bordel, moi. T'inquiète pas, il y aurait pas les grèves et tout. Bordel, moi, j'ai voté pour moi aux élections. Votez pour moi, vous allez voir ça. Oh, et fermez vos gueules, sortez. et le prof, réellement, pour finir, il me fait: vous savez pourquoi Michael a eu chaud quand il s'est étouffé? Non, s'il cru qu'il allait mourir. Et là, le prof fait: non, parce que le stylo à billes. T'as compris la vanne ou pas? Il habille, donc t'as chaud. Voilà, exactement. Il nous a fait cette vanne. Oh, on s'est tous jetés sur lui, on l'a brûlé. Oh, merde. En fait, pour la vanne. Moi, un peu dans la même histoire, j'ai avalé un galop parce qu'il y avait, et ça, c'est vraiment vrai. Non, sur ma vie, tu peux appeler ma mère. J'ai avalé un saumon entier, quoi. Je nageais. T'as fait l'amour sur un cheval, alors. Je te raconte l'histoire. Je jouais au galop avec mes collègues. Un galopin. À la récré. Et il y en avait un qui me dit: donne-moi le galop, t'as perdu. Je dis non, non. Et pour pas qu'il me le vole, je l'ai mis dans ma bouche. Je me mets à courir. À ce moment-là, j'avale le galop. Un dragon arrive. Non, j'avale le galop. Je vais voir ma tati. Ça s'appelle une tati. Je vais voir ma tati. Je fais tati. On dirait qu'elle raconte une mauvaise blague. Je fais tati. Mais parce que je me remets dans la peau de mes. Bon, dépêche-toi. Mes 5 ans. Ouais, vas-y, on dirait le Corse qui raconte une histoire. Bon, alors j'arrête tout de suite parce que là c'est une insulte. Hein. Oh, ça va. Oh là là, tout de suite cette agressivité là. Ouais, je la trouvais trop bien. Donc tati. Mais donc tati. Alors, bon, on était à tati, alors quoi après? Tati. Oui. La tati, elle me dit: qu'est-ce qu'il y a, petite Cécile? Je dis, elle me fait: qu'est-ce qu'il y a, petite Cécile? Deux fois, je fais tati. Et je suis tombée dans la pomme. Allez, non, je suis tombée dans la pomme parce que j'arrivais plus à respirer et je l'ai fait caca dans mon pot. Et mais du non. coup, j'ai récupéré, je lui ai rendu au mec, je fais: tiens ton galop. T'avais caca dans un pot? Ouais, j'avais 4 ans, je faisais caca dans le pot. Et comment t'as dû avoir un anus défoncé là? Non mais Eka, tu chies pas au pot. Non mais si elle est après à parler, elle à 10 ans. Elle a arrêté à 11 ans. Mais tu rigoles, ça quel âge j'ai après à parler? À 3 ans. Bah là, elle est en apprentissage là. Ma mère, elle m'a dit: mais tu t'es bien rattrapé. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Hein. Et j'ai montré ma culotte à 2 ans. Ouais, pour ça on sait que t'es précoce. Parce que j'avais un kiki en vrai. Oh oui, à l'époque. On le savait, je m'appelais Cécilien. Et c'est ça, à l'époque elle était elle était un homme. À l'école maternelle, moi je m'étais foutu. Ah, les nuls, ton histoire. Voilà, tu vois comme ça fait pas plaisir quand on coupe. Et donc j'étais. Elle est nulle cette histoire. Et j'étais. Bref, le goudron, tu sais, t'as toujours trop des petits graviers. Nul, et je prends le gravier au bord du nez. Et d'un coup, je fais: oh. Et là, le gravier coincé là, je fais. Un peu comme le Corse en fait, tu vois. Tu dois avoir un gravier coincé dans le nez, le Corse. Et là, c'est pas que le médecin et ma mère qui vient me chercher les trucs. Médecin, l'autre, il t'arrête avec une espèce de pince courbée dans le culé et il se tapait des barres de rire. Parce que je pleurais et tout. Il fait: oh, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ça le faisait rien, le médecin. C'est un jeune médecin, l'enfoiré, là. Il m'a sorti le truc du zen, là. J'avais les crottes de nez. T'avais un gros gravier. J'ai une histoire. Vas-y, elle a l'air nulle. Ma vie, elle est plus fascinante que toi. C'est pas que je elle t'intéresse qu'elle soit bonne, histoire. J'étais tout petit, je faisais pipi. Et je remonte. Assis, tu faisais pipi, non? Non, debout. Non, d'accord. Assis. Ta gueule. Comme une petite debout. Fillette, va. C'est pas que, Pierrette. Donc, je fais pipi. Je me mets debout. Je remets mon zip, là. Et là, le prépuce coincé dans la braillette. Mais coincé dans la braillette. Et là, mais carrément toute la peau. Et la peau zippée, du coup. Mais ça. T'as mis tout, t'avais des robes. Ça, ta gueule. T'avais des petites couettes. Alors attends. C'est pas que j'avais ça qui sortait de. Une petite culotte trop mignonne. Bah, c'est bon, là. Petite culotte, un t-string, des jeunes filles, des couettes. Bon bref, et c'est pas que j'avais ça, 1,5 cm qui sortait du coup de la braillette là. Oh, et là, merde. Carrément la zone, hein, parce que je pleurais. Ma mère qui essayait de m'enlever le truc là, tu comme vois. Comme dans American Pie. Super dur. Non, mais attends, le coup là. Et là, chirurgien là, chez un médecin là, qui a dû carrément me péter la fermeture pour que ma tub soit libérée là. Oh, mais parce qu'elle était trop grosse pour ton jeune âge. Mais je pense que c'est ça, ou alors j'étais trop pressé de la ranger là. Mais ça arrive très souvent, moi ça me l'a fait aussi. Avec le prépuce, avec le... Avec mon abricot. Comment on appelle ça là? Le dindon? Mais non, le clitoris. Mais d'ailleurs, ça un jour, je faisais une course en sac à dos et je me suis emmêlé les jambes dans mon abricot et. Oh, c'est horrible, non, t'es pas bête. Tu sais qu'il y a des nanas qui ont le dindon tellement qui descend là, jusqu'au. T'appelles ça des escalopes? Qui frappe les genoux. Non, mais qui frappe les genoux et tu peux tomber en avant comme ça. C'est des escalopes qui frémissent. Non, mais tu peux te faire réduire les lèvres. Ça, c'est l'horreur, hein, par contre. Parce que des lèvres horribles. Comme ça, c'est mais moi, j'ai une amie, elle s'est fait opérer des lèvres. Parce qu'elle en avait une plus longue que l'autre. Quelle lèvre? Les lèvres de la mounette. Ah bon? Ouais. Ouais, moi, je connais. C'est vrai qu'il y en a que c'est du jambon, hein. Ah, et du coup, il fallait pas dormir en tête bêche avec elle, parce qu'elle te réveillait, elle te disait, hé, tu dors. Donc là, elle m'a mis un coup de lèvre de chatte dans la tête. Mais c'est terrible, tu sais que c'est de plus en plus fréquent, hein. Bah ouais, parce que c'est à cause de la viande. Tu fais des expos, toi, quoi. Mais non, mais parce que j'en ai parlé avec cette copine à moi qui l'a fait. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Non, fréquent de se faire opérer ou fréquent d'avoir une grosse chatte? Non, de se faire opérer. Et le chirurgien lui a dit que c'est de plus en plus fréquent. De se faire opérer, de se faire réduire les lèvres. De se complexer par sa foune, ouais, putain, ça doit Parce qu'il paraît que ça gêne quand même. Je sais pas, moi, elle est magnifique. Non, mais c'est visuellement. Visuellement, mais c'est ça gêne avec le jean et tout et ta culotte. Ah oui, d'accord. Après, ouais, c'est une question pratique. Ça gêne. Ouais, là, faut y aller pour que ça gêne la culotte. C'est quand même que là, c'est assez. Non, mais même quand ça remplit la culotte et tu penses que tu sors avec un quemet. J'ai une pote, elle a ça, mais ça la complexe énormément. Sa chatte, elle est tellement bombée. Elle a un style kangourou. On dirait. Non, mais je te jure, on dirait qu'elle a une coquille pour protéger la tub. Et en maillot, elle est trop mal, quoi. Elle me dit, mais j'ai l'impression d'avoir une bite, quoi. Elle a une chatte toute bombée. Mais non, mais bombée à l'extérieur ou devant. Et elle s'appelle. Non, je rigole. Non, bombé au-dessus. Ah, bizarre. La petite motte, le petit. Oui. Le monde Vénus. Genre là, quoi. Le monde Vénus moi, qui est trop. Qui est bombé, trop bombé, c'est le mot, c'est genre. Fais voir. Quoi? Fais voir, où ça? Ouais, mais tu montes pas, tu montes quel pas. Quel pervers, voir. Tu es. L'autre, attends, il a terrible d'avoir. L'autre, il a vraiment envie là. De. Il a envie quelque chose ce soir. Non, mais il a envie, ouais. Ah, il va y arriver, hein. Mais oh, les gars, calmez-vous, je suis là. Ça m'excite. Oh, bah vas-y, Mika là, est ouverte là. Non, je peux mais attends, pas. Elle te met la main, pose-lui. Mais je vais montrer où c'était. Putain, t'es une coquine. C'est une ouverture, hein, c'était un GPS là. Bah non, mais elle c'est... a fait une flèche et tout. Ouais, la flèche, ouais, tournez à gauche, tournez à droite. On pourrait se perdre dans sa chatte. Bah non. Oh. Mais c'est pas vrai. L'horreur. Quelle horreur. Tiens, il y a Mohamed qui dit aussi, moi j'ai gobé une abeille quand j'étais petit apparemment. C'est bien parce que c'est apparemment, donc il se souvient pas très bien. Ça, c'est bien. Normalement, t'aurais dû t'en souvenir, hein. Tiens, il y a Tania qui dit aussi, on savait que tu étais un homme avec ta voix de camionneuse, Cécile. Oui, oh, c'est vrai. C'est méchant, je suis trop triste là, Tania. C'est pas une voix de camionneuse, c'est une voix suave et très sexy. Non, ouais. Mais franchement, je suis trop triste là. Pourquoi elle dit ça, Tania? Ouais, ça va. Jérém aussi qui dit, c'est quoi le numéro de Goom? C'est 01 55 64 13 24. S'il veut nous joindre, n'hésite pas. Mais je crois qu'il faut aller voir Vincent là, ce qu'il doit y avoir. Je vais aller souci. Le voir parce que plein de gens appellent et on a personne. Eh ben, c'est bizarre. Alors, c'est qu'il faut lui dire sur quel bouton pousser, hein. 01 55 64 13 24. Donc voilà, si vous avez essayé depuis tout à l'heure, bah, réessayez maintenant. Il y a Thomas qui dit, Mika, il faisait son Jean-Luc Delarue avec du gravier. Il faisait ce genre de sniffait, oui, d'accord. Okay. Bah, ce qui coûte d'ailleurs, à mon avis, beaucoup moins cher et qui fait moins de mal à la santé. Hein. Oui. Enfin, quoique, le gravier quand même. Hein. Ouais. Ouais. Une opération à 10 000 balles pour l'enlever, c'est cool. Ça, à voir hein, quand même. Le gravier, c'est à voir, ouais. Non, la drogue, c'est meilleur. Ouais, c'est le ça. Mec qui est foot. Bien sûr. Et bien sûr. Bon, on va se refaire peut-être la journée internationale d'hier. Oui, allez-y, faites-le. La journée internationale d'hier, c'était quoi encore? C'était la danse. C'était la danse, d'accord, ok. Bon, on va se faire ça dans quelques instants. Le temps d'écouter Icon avec Angel et on se met un petit peu de pub, on fait une pause, on revient juste après les matchs qui ont qui vont recommencer d'ici quelques minutes, donc dès qu'on sera de retour on pourra rebalancer les scores tout de suite. Le son d'Icon à l'instant, c'était Angel sur Goom Radio et c'est reparti hein, les matchs ont démarré depuis 3 minutes. Bah il y en a deux je crois qui sont dans le studio. Ce soir j'ai décidé d'être Jean-Jacques Blagounette. Ouais, hein. Bah dis donc, on n'est pas gagné. Je suis au top de ma forme. On n'est pas gagné hein. Bon donc ça a redémarré là, Zilina Marseille 4-0 pour Marseille toujours hein, ça redémarre au niveau de la deuxième mi-temps. Le Real toujours 1-0 face à Milan. Roma Bâle, c'est toujours 2-0 pour la Roma. Chelsea Spartak Moscou 0-0 toujours. Shakhtar Donetsk Arsenal 2-1 et puis Bayern Munich 2-0. Le Sporting Braga face au Partizan Belgrade c'est 1-0 et puis l'Ajax face à Auxerre 1-0. C'est bon ça. Auxerre. Putain. Écoute, pour mon pari, c'est pas vraiment le top du top hein, je te le cache pas que ouais, que pas j'aurais fou, préféré mais... le cas inverse, pareil pour Shakhtar Donetsk. Il reste 45 minutes donc bon bah tout est possible hein, cela dit hein. Si tu perds un match, si tu n'as pas un match, tu as tout perdu. Non, en fait, j'ai misé 2 matchs et 4 matchs. C'est-à-dire j'ai misé Marseille. C'est pour dire que ça peut rapporter gros si on le fait bien et si on a un peu de chance aussi hein. J'ai misé Real de Madrid et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai misé? Ah oui, Real et Ajax. J'ai mis 20 euros, je me sais beaucoup hein, parce que d'habitude je mets beaucoup moins que ça. Et si je gagne, boum, j'ai 100 euros. Oh, bien. C'est bien pas mal ça. Et puis après j'ai misé Marseille, pour l'instant ils gagnent. J'ai misé Arsenal, pour l'instant ils perdent. J'ai misé le Bayern, pour l'instant ils gagnent. Et Braga, pour l'instant ils gagnent. Donc ah, on a bon, un seul qui me fait chier mal, j'ai mis 6 euros, je peux en prendre 105. Alors là, ça si, si tout ce que bon j'ai prévu ça. Gagne, c'est-à-dire qu'il y a que deux équipes pour l'instant qui gagnent pas et c'est dommage. Non, mais c'est-à-dire pas, que là, mais ça peut être 200 euros pour l'investissement de 25, c'est rentable. Tu nous invites à déjeuner, hein. Alors, laisse-moi réfléchir. Non. Ah bah non. Non, un investissement de 12. Un investissement de 12 euros parce que si c'est 26. J'ai cru que tu lui as dit, tu l'épouses. J'ai 20 et 6 euros, 26 euros. D'accord. Donc voilà. Non mais c'est bien. Alors plein de messages qui sont arrivés aussi. Où est-ce qu'il est des gens qui demandaient Arctic Monkey. J'aime pas du tout Arctic Monkey. Ah moi j'aime bien. Ah ouais, c'est pris. J'aime bien parce que c'est des Anglais, voilà. Bah c'est oui. Pas parce que c'est des Anglais, c'est juste que j'aime pas la sonorité. Je sais pas, ça fait. Enfin j'aime pas. Et The Shadow Puppets, moi j'aime bien ça. Ah moi aussi j'aime bien. C'est les deux frères. De toute façon, je vous interromps, 5-0 pour Marseille. Oh putain, ils sont bons. Ils en ont jamais mis autant d'un seul match. C'est Lucho qui a mis le but. Et alors juste pour et après j'arrête de parler ce détail pour pas vous inciter à le faire parce qu'au final c'est quand même un engrenage pourri quand on sait pas gérer. C'est juste que là le mec il avait misé 5-0. Il mettait 1 euro, il en prenait 150. Oh putain. Mais il fallait miser 5-0. Qui Mickaël, mise 5-0 je t'en supplie la prochaine fois, fais-nous jouer. Mais qui allait miser? Et encore, c'est pas fini, ça non, se trouve, ils vont mettre 7, d'accord. Hein, tu vois. Mais là, c'est exceptionnel, fou, là, 5-0. Mais et 10-0, c'était tu mettais 1 euro, t'en prenais 300. Oh là là, là, là. Mais est-ce que là, ils jouent très bien ou c'est l'équipe qui est une grosse merde? Je sais pas, je m'y connais pas assez pour le savoir. Honnêtement, Mika, qu'est-ce t'en penses? Pas une défense, c'est une passoire, quoi. C'est-à-dire que chaque action de l'OM, c'est quasi un but, en fait. Hein, donc, de toute façon, par contre, l'OM gère bien son match. Je veux dire, même dans les couloirs, il y a une bonne domination. Ça y est, on est sur RMC, là. Non, la force de Marseille, c'est l'ambiance. Bon jeu collectif. Non, franchement, là, même, c'est un super match. RMC, on est dans un instant, ne bougez pas. Une possession de balle à 43%, c'est quand même pas mauvais. Ah, et c'est plutôt bien, ouais, c'est plutôt pas mal, effectivement. Belle possession de balle, c'est parfait. Bon, après, on verra bien s'ils jouent bien quand ils vont affronter les autres équipes, hein, on verra. Hein, parce que quand ils vont. C'est qui joue contre le Real? Ah, c'est Auxerre. Ah, bah, par contre, il est fort, Lucho, hein. Bah, il a mis un but, hein. Non. Un tir, un but, c'est bien. Non, mais depuis ce tournoi, il marque des buts. Lui, il fait partie des buteurs. Je sais pas, je te dis, je m'y connais pas assez pour le savoir. Je crois les derniers matchs, il en a marqué 3. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est possible. À la 90e minute. Bon, il y a Jérém qui est là. Bon, c'est jamais, tu peux aimer le foot. Hein. Jérém qui est avec nous maintenant. Bonjour Jérém. Bon, enfin, bonsoir plutôt Jérém. Comment ça va? Attends, parce que le corps, ouais, il est en train de péter le dos. Sur la croix! Voilà. Comment ça va, Jérém? Bonsoir Mickaël. Salut Jérém. Salut. On a un petit peu galéré à te remettre à l'antenne puisque bien évidemment c'est les deux mains gauches du Corse, hein, qui sont responsables bien sûr de. Mais je t'adore le Corse. Hein. De ça. Merci, c'est gentil. C'est les mains de Sarachi. Qu'il faut pas entendre. Merci, c'est gentil. Il y a des gens qui adorent le Corse. Et t'as vu, hein? C'est fou. Et y a que vous qui m'aimez pas, c'est pas grave. Non, t'es c'est pas vrai. Tu sais qu'on te taquine. Oui, oui. On t'apprécie. Ouais. Je me fais casser de tous les côtés. Ouais. Te laisse pas faire le Corse. Oh, non, mais ça va. Mais il se laisse faire, c'est une sous-merde. Bien sûr. Je crois qu'à un moment donné, tu vas pouvoir me contrôler sur certaines phrases. Elle était magique. Elle était magique. Non, mais bon, moi, je veux dire après, il y a certaines choses. Il y en a qui se font traiter de pire que ça. Hein. Ouais, mais moi, il y en a, mais pas moi. Et de Marseille, 6-0. Ouais! Gignac, le triplé de Gignac. Mais on est dans Olivier Tom là, c'est pas possible. Eh, 6-0 ça. Ouais, non mais bientôt ça va être le goal volant qui va marquer là. C'est une partie de PS, oh là le goal. Oh là là là là là là là là, 6-0 ça. Bah donc on arrive aux 300 euros des 7-0 là. Eh ben ouais, si on arrive à 7-0, le mec qui a misé 7-0, déjà il y a beaucoup de chance. Mais ouais là, je pense que là il peut faire son beurre, hein, comme on dit, hein. Oh putain. Eh mec, 6-0 là, c'est beau. Je sais pas si c'est dans l'histoire de Marseille si c'est déjà arrivé. Et il reste encore une demi-heure, tu vois. Non mais s'ils font 12-0, ce serait trop drôle. Ah ouais, non mais là c'est magique. T'es genre 24. Ouais, moi on parle beaucoup foot, mais bon, pour le coup, c'est moi ça me fait de la peine pour l'équipe devant, quoi. Enfin, l'équipe en face. Ouais, moi je vois qu'il marque un but au moins, tu vois, un but. Attends, mais pour les supporters qui se sont déplacés quand même. Surtout que là ils sont en Slovaquie là, tu vois, ils sont pas à Marseille, hein. Ah oui, c'est donc et tu vois, ça m'avait fait de la peine aussi quand, je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous vous souvenez, pardon, il y avait aussi à la Coupe du monde, il y avait Corée du Nord, Portugal. Ah oui. Et les Portugais avaient mis 8 buts, je crois. Et tu sais, les Coréens, tu sais que c'est dur, quoi, pour c'est les Coréens du Nord. Moi, j'avais de la peine, franchement. Je crois que c'est 8-1 ou 8-2. Non, 0-0, vous avez rien mis, les Coréens. Non, mais tant mieux si c'est les Coréens, si c'est la Corée du Nord, tant mieux, parce que c'est juste un régime de merde. Mais oui, mais les pauvres, les joueurs, il y en a qui se sont évadés, hein. Quand ils ont perdu, ils se sont fait la malle. Oui, c'est pour ça. Parce que sinon, ils pourraient se faire tuer, les pauvres. Non, mais bien sûr. L'entraîneur, il est condamné aux travaux forcés, là, pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? L'autre jour, tu l'as dit dans l'émission, ouais. C'est énorme. L'analyse de mon petit frère, je l'envoie, putain, l'OM ce gars, il met lol, mais il y a des gains en face. Il y a personne en face. Ouais, bon, enfin bon, 6-0, ils les mettent quand même, hein. Ouais, mais bon, c'est des passoires, les mecs. Cela dit, si je puis me permettre, quand ils ont fait le match aller, ils avaient gagné 1-0. Ouais, c'est vrai, ça va. Donc c'est pas non plus, c'est pas la fête non plus. Hein. Faut pas s'enflammer. Bref, parlons d'autre chose. Alors revenons à toi, Jérém. Donc, hein. Jérém, t'as quel âge et t'appelles Lou? J'habite dans le 93 et j'ai 21 ans depuis 3 semaines à peu près. D'accord. Bon anniversaire en retard. Oui, bah, bon anniversaire évidemment. 4 octobre. Le 4 octobre. Mmh. Ah, ça aurait été cool le 7, dommage. Pourquoi? C'est une balance? Non, je sais pas, parce que je connais quelqu'un qui a le 7. Génial. T'aurais pu dire le 15, que c'était mon anniversaire. C'est génial, hein, dis donc. T'es né le 15 octobre, toi? Ouais, t'as oublié. Ah, dis donc, c'est vrai qu'on l'a complètement raté sur les. C'est le mec qui revient une couche. Ouais. C'est pas grave, j'avais pas besoin de vous, quoi. J'avais besoin de mes vrais amis. T'as failli faire le lapsus, hein. Ouais, c'est vrai. Tu me comptes pas, là? Genre. Bah, t'as rien dit, toi, donc, je te parle plus, mais. Elle a pas défendu. Elle a pas défendu ton ami. Bon, Jérém, tu nous appelais pourquoi à la base? Bah, pour parler des petits accidents que, comme vous avez pu avoir, par exemple, je crois que c'est Cécile Winnie, je vais confondre toutes les deux, c'est assez bizarre, qui a avalé un crayon. Oui, c'était Cécile. C'est Cécile. Ouais. Oh, ça, c'est, les trucs comme ça, c'est Cécile, hein, généralement. Ça peut être que la dingue. Alors, tu as avalé quoi, toi? Moi, j'ai rien avalé, c'est pas du tout, ça. C'est que, bon, il y a deux trucs qui sont arrivés. Un, il y a même pas un mois, et un, il y a 12 ans. Et vous voulez lequel, hein? 12 ans! Le plus vieux d'abord. D'accord. Alors, il y avait à côté de chez moi des espèces de petits monuments, on va dire, qui sont une esplanade, qui était en carreau, vous savez, du carrelage, et qui montait. Alors, je me suis amusé à l'escalader, bon, ça faisait même pas un mètre de haut. Et, comme un idiot, ben, vu que j'ai du carrelage, ça glisse. Et comme il n'y avait plus, voilà, la tête la première, 6 points de suture, les urgences. Oh! Ouf, ouf. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Je me souviens du gant de toilette sur la figure rempli de sang. Il était blanc, il était rouge. Oh là là. Ah, je m'en souviens encore. Tu m'étonnes. Putain. C'est surtout que ça marque, tu sais, quand t'es jeune et tout ça, le sang et tout ça, ça marque, hein. Bah ouais. T'as peur, quoi. Enfin, t'as peur. Ça te marque, hein, parce que tu sais, quand t'as pas l'habitude, tu sais que le sang, ça fait. C'est quand t'es petit, tu penses à la mort. Tu dis ça y est, je vais crever, quoi. J'ai perdu tout mon sang. Dès que tu te rends compte pas de la douleur, mais par exemple, si t'as un doigt moins ou le bras cassé, c'est bizarre, hein, l'être humain comme il est fait. Ouais, c'est bizarre. Et y en a, ils supportent pas la vue du sang, ils pètent un câble. C'est un truc de malade. Ah ouais, non, mais j'en ai. Il y en a. Qui c'est qui ne supporte pas la vue du sang? Putain, je connais quelqu'un. Moi, je supporte. Moi, je pète un câble, c'est-à-dire je deviens très violent. Donne-moi un couteau, attends, je vais. Mais je rigole pas, sérieux. Je deviens violent, c'est-à-dire que tu vois un mec en train de saigner, tu lui casses la gueule. Mais c'est mal! Boum! S'il est dans une bagarre, je vais. Enfin, voilà. Il va tomber dans les pommes, oh la merde! Je t'avais dit tout à l'heure! Moi, c'est quand les gens tombent dans les pommes, je pars en courant, ça m'angoisse. Il y a ça, et les gens qui tu sais, quand tu fais les prises de sang, je supporte pas la vue d'une aiguille. Eh, t'imagines, c'est comme le mec qui est là, qui se la ramène. Il a fait l'armée, et le mec, il a peur d'une seringue. Il a peur d'une seringue. Je suis obligé de me prendre un calmant avant de. C'est dingue ça. D'aller faire. Imaginons, t'es avec ta petite amie, t'es un. Je préserve, hein. Je touche du bois. Elle a ses règles, tu lui casses la gueule? Non, t'as un accident avec elle s'ouvre, je sais pas, la jambe, t'es obligé de lui faire un garrot. Je ne sais pas, je ne vais pas aller dans une violence extrême. Je ne sais pas la violence, je sais pas lequel, je demande. Tu la violes quand même. Mais non, je ne vais pas aller dans une violence extrême. Cela dit, quand t'as un accident, tu réagis pas du tout de la même manière. Quand t'as un accident, sur le coup, comme ça, tu peux faire des trucs que tu ferais jamais sinon. Émilie m'a sauvé la vie. Elle a soulevé la Vespa. Elle m'a soulevé. Parce que deuxièmement, elle m'a soulevé. Elle a quand même soulevé. Bravo. Soulevé un quintal. Ce qui me fait rappeler la nuit des héros qu'il y avait à l'époque, il y a 20 ans. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous fuck tous, des doigts en plus qui sont un peu de travers. Fucking the face. À force de te fucker par derrière, Pierre. Oh là là, qu'est-ce que c'est simple. Oh, oh, oh, oh, ouais, mais le massage de la prostate, écoute, c'est facile. Tu m'attaques. Oh, oh, je l'aime, c'est trop du cul là. Je t'aime bien. Bah alors, Jérém. Oui. T'as des points de suture sur la tête du coup. Bon, c'était il y a 12 ans en même temps. Non, mais t'as une petite cicatrice quoi. Non, sérieusement, c'est bien parti. Hein. T'es tombé dans les pommes. Bah non, heureusement, parce que sinon ça aurait été difficile de m'emmener. T'as déjà vu des pommes sur les carrelages. Pourquoi t'es lourd? Bah non, mais bon, fallait bien quand même que je me dise que ma mère me maintienne la tête pour m'emmener au. C'était quoi, une dermatologue qui m'a recousu. Oh là là, ah merde, une dermatologue. Bah, non, j'explique, j'étais en fait. Chez le veto, chez le vétérinaire là, qui m'a recousu là, et bah, chez monsieur bricolage, avec crayon quincaillerie, il m'a mis deux plombages, c'était bien. Je suis allé trop loin là, pardon, ouais. Non, c'est non, parce que c'était juste en fait à côté. C'était même pas à 200 mètres de cette personne là, donc bon, bah, on m'a emmené directement là, puisque les locaux. Heureusement qu'il n'y avait pas un cimetière juste à côté. Ah, ça, c'est drôle. Merci, hein, je vous aime. Ah bah on a rigolé, c'est bien quand même. Ouais. Bah ouais, c'est cool. Oh bah voilà, c'est bizarre quoi. Il y a que Julien qui a pas apprécié. Jérém, il a pas trouvé ça drôle, c'est bizarre. Et tu peux nous raconter l'histoire d'il y a quelques mois? Oui, donc c'était justement ce que disait le Corse, la vue du sang. Moi j'ai toujours eu horreur de la vue du sang, mais je suis jamais tombé dans les pommes. Donc alors le problème, c'est que je rappelle un peu les faits pour qu'on vous puisse comprendre. Oh. J'ai un ongle incarné. Bon, pas de chance. Au pied ou aux mains? Au pied. D'accord. Pied gauche ou pied droit? Non, c'est important de le savoir. Au pied rouge, gros orteil. D'accord. Voilà. Et du combien tu chausses? Oh, alors, arrêtez, qu'elles sont lourdes. Je fais 1m75. Et tu pues des pieds ou pas? Absolument pas, le corps. Ça. Ok, donc tu peux y aller. Donc, d'accord. Pas comme Mika. Mika, c'est tout un concept, hein. Non, mais arrêtez avec ça, parce que les gens vont le croire vraiment. Mais bah, tu sens vraiment. Il n'y a plus de problème, ils sont amputés les pieds. Ouais, mais je me disais, tu sais que tu sens la même odeur que le fromage corse, hein, de tes pieds, toi. Ah, ça me dégoûte les pieds. Ouais, mais le faut que ça soit des pieds que de la bouche, hein, le corse, hein. Ah, bah, ouais, c'est sûr. Ouais, je te dis. Je me sens pas visé, mon pote, hein. Tu devrais. Je me sens pas visé. Manger ses pieds. Il a dit, tu devrais. C'est trop dégueulasse. Tu sors de la bouche. Tu devrais continuer, il t'insulte, là. Non, mais parce qu'il prend son cas pour des généralités, mais ça. Allez, Mika, toi! Eh, je suis perché! Et toi, Mika? Parce que celle-là, elle est dure quand même. C'est celle-là, elle est très dure. Mika, tu trouves rien. Tu prends ton cas pour le dire. Dis-lui, c'est celui qui dit qu'il est. Ouais, c'est ça, ouais. C'est celui qui dit qu'il est. Hop là, tu peux pas parce que. Oh putain, 7-0. Non, mais non. Oh là là, 7-0. Tu mettais 10 euros dans les 3000! 100 euros, 30 000! Enfin, ouais. Putain, 7-0 pour Marseille. Bande de moches. C'est d'une violence là quand même. Hein. Putain, c'est. Je te déteste. Attends, 7-0, c'est incroyable. 7-0 pour Marseille. C'est Didier Deschamps qui doit être content. Ah bah, c'est à dire que là il est au-delà du. Non, mais attends. Parce que il peut être content, oui, parce que le match est bon, mais après ils ont quand même fait des matchs pourris, les matchs d'avant. Mais hein. Alors ça m'énerve. Mais c'est pour la qualification, c'est pour ça que je te dis. Mais c'est pas parce qu'ils ont marqué 7 buts qu'ils vont. Voilà, tourner la page. La baffe de crapaud n'attend pas la Vierge Colombe. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, si Marseille pouvait donner deux buts à l'Ajax, ça m'arrangerait. On peut pas les échanger, c'est genre on dit l'un d'os, non? Oui, ce que t'en penses du foot? Il a rien à foutre. Bah moi je pense que personnellement moi je suis pas le foot, mais je sais qu'il y a heureusement quelqu'un qu'on est là, hein. Voilà, il y a quelqu'un de Boom qui doit être très content du match de Marseille. Bah là je pense que là je crois qu'il est en train de s'astiquer là pour le coup. Attends, 7-0 ça arrive pas tous les jours, hein. Et en plus il a dû parier beaucoup, donc il compte tous ses millions là. Ouais, mais la cote était pas terrible pour Marseille. C'est normal, ouais. Mais enfin bon, c'était avantageux quoi. Ah bah oui, c'était avantageux, oui, ça je te confirme, ouais. Donc ouais je pense qu'il est content là pour le coup, en effet, ouais. Donc voilà, pour 7-0. Donc bref, il arrivé d'autres accidents ou pas? Il a pas fini son histoire du pied. Donc la excuse-moi, ouais, vas-y, excuse-nous. Voilà, donc j'ai eu deux opérations et ça continuait à mal pousser, donc ça rentrait dans la peau, je vais éviter les détails. Et ce que je me suis dit, c'est qu'à force de payer 200 euros pour une opération, je commence à en avoir marre, quoi, d'y aller. Puis surtout, j'ai voulu me scier le petit doigt de pied. C'est presque ça, en fait. Parfois t'as tellement mal que t'as envie de d'aller dedans. Il y a des douleurs qui font mal mais qui font du bien. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as un problème psychologique, ça. On voit de quoi tu parles. On va pas aller plus loin, tranquille. Quand on Remember, et la sextape direct, Mika Roka. Arrête, je t'en supplie, ne me parlez plus jamais. Mais tu sais que chaque matin, je pense à cette photo. Hein. Ah non, mais arrête, parce que ça m'a dégoûté. Non, mais moi, j'ai vu quelques petits coups de rein en plus. C'est ça qui est énorme. Pierre, c'est il a que vu vous avez vu que le figé. Mais t'es pas très beau nu. Ouais. Merde. C'est pas vrai, c'est une bombe. On me voit pas en plus. Je suis coincé dans les fesses. Mais non. Mais... T'es coincé ou coincé? Il est coincé dans les fesses. On a du mal à parler ce soir. En fait, au Portugal, tu dis, dis-moi si je me trompe, tu dis coincé dans les fesses. Voilà, tu dis pas coincé dans les fesses. Et un poing sur ta gueule, ça se dit comment? On dit perdu dans le poing. Un poing sur ta gueule. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se dit pas, ça se fait là-bas, tu vas voir. Ouais. Non mais je rêve. Et tout ça pour l'ongle incarné quand même de Jérémy. Ça qui est énorme. Tu m'as, t'as rêvé de moi quand même. Ça c'est très dur. Ouais. Ah ouais, bah non, ouais, c'est pas vrai, c'est une vanne. Non, mais ça m'a traumatisé en revanche. Tu touches sur Mika, lui? Ouais. Mais là, regarde, tu vois pas, mais j'ai ma main. C'est pour ça que tu sais, parce que t'as la main posée sur ta mouillette. Je te rappelle que tout à l'heure, elle lui a mis la main au panier. Hein. Ouais. Enfin, elle lui a pris sa main pour il la mettre à son, dans son panier. Et puis, quand il fait genre, il se gratte le nez, sur la table. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça l'odeur. Ouais. Ah, dis donc, même de là, il pue. Ah. Non, c'est très très dur. T'as vu ce qu'elle a dit, Cécile? Elle a pas dit il tresse du blanc, elle a dit il tresse du jaune. Donc c'est, ça veut dire c'est une... Surtout que j'ai dit je l'ai branlé, elle me dit il tresse du jaune. Et alors tu peux très bien branler avec ta bouche. Oui, ah bah chou comme il est, on n'est pas à l'abri que ça arrive loin. Mais voilà, c'est merci Mickaël. Ça va partir très loin. Ça peut, ça peut, ça peut. Tu attrapes au vol, t'es une fontaine. Certes. Oh, c'est bon. Quelle horreur. Bon Jérém, merci à toi d'être passé. Jérém, tu reviens quand tu veux. Il a pas fini. Tu as pas fini ton histoire de d'ongles. Ah bah non, c'est vrai, bah effectivement, non. Ouais, bah je suis con. C'est trop bon. Mais c'est parce qu'à chaque fois on part sur autre chose que effectivement, ouais, j'ai pas de mémoire, moi c'est comme un poisson rouge. Donc moi, l'ongle incarné, on y est toujours. Non, oui, je disais donc l'ongle incarné, bah j'en avais marre, donc ce que j'ai décidé de faire moi-même, ben c'est comme un peu un warrior. De me l'enlever. Il vous a raconté l'histoire? Tu te l'as enlevé toi-même? Tu te l'as enlevé toi-même, c'est ça? Voilà, j'ai dû le faire 3-4 fois. Oh, donc... t'es ouf! Ah. Tu sais que ça repousse. Ça, c'était un cri qui ne servait à rien. C'est une sirène. Ah, ouais, non. Mais Jérémy, j'ai une question à te demander. Oui, est-ce que ça repousse les ongles de quand tu perds les ongles de pied? Parce que moi, on m'a ça raconté. Ça dépend si t'enlèves la racine, non? Non, parce qu'on m'a raconté quand t'as un champignon, par exemple. Ouais. Si tu le traites pas, l'ongle tombe. Et à ce moment-là. C'est vrai, ça? Mais oui, et à ce moment-là, il ne repousse pas forcément. Ta donc gueule. Tu te retrouves sans ongle de pied, mais c'est terrible. Mais et moi, je connaissais un mec qui avait gardé son ongle dans un sachet. Ta gueule. Je vais répondre à ta question. Donc, j'ai vu le podologue qui m'a expliqué que, en fin de compte, à 5 voire 6 cm en dessous de l'ongle, à la base, il pousse, on a ce qu'on appelle la matrice. Bon, c'est comme en maths, mais bon, sauf que c'est pour la peau. Et c'est un fait. Quand moi je m'arrache l'ongle, il y a un petit liquide blanc qui se sécrète sur. Non, mais je t'en attends, supplie. C'est toi, laisse-le vivre, ça c'est m'intéresse. Ouais. Il y a un petit liquide blanc qui se sécrète sur l'ongle, sur la, au-dessus de la peau de l'orteil. Et elle se solidifie petit à petit, et c'est ça qui fait l'ongle. Donc, ah, excellent. Tu auras beau arracher l'ongle, tu ne pourras pas l'enlever, à moins de te couper complètement jusqu'à presque jusqu'au pied, carrément, de t'enlever la peau. D'accord, mais j'ai déjà vu des. Je connaissais un mec, il avait attrapé des champignons, donc parce que quand tu t'attrapes un champignon, il faut très vite le traiter, parce que sinon ça saute à tous les doigts. Ça, c'est de plus en plus chiant pour le traiter, surtout qu'un traitement de champignon de pied, je crois que c'est 9 mois. Ah ouais? Ouais, non. C'est super, ouais, c'est super long, ce qu'il m'avait dit le mec. Ouais, faut que je m'achète des doses là. Moi, c'est le stress. Le stress, ça me pète les pieds. Oui, non, mais toi, c'est pas la même chose. Toi, c'est entre les doigts de pied, donc ça a rien à voir. Toi, c'est des muqueuses qui se sécrètent. Et du coup, donc. Non, mais moi, c'est le stress. Le stress, c'est moi, je m'arrache la peau. Mais j'ai eu ça, mais ça vient pas de l'ongle, toi, c'est de la peau. Mais non, ça veut dire que ça peut très bien se mettre dans l'aine, je m'arrache l'aine, après j'arrête, je vais tranquille. Mais moi, j'ai des démangeaisons aussi, mais elles me démontent. Mais toi, comment tu fais? C'est la saleté, ça. Non, non, partout. Partout, genre, des fois, la peau me gratte, et je pensais même que j'avais des trucs, genre des acariens, ou je sais pas quoi. Alors, c'est quoi? Parce que, ben, je sais pas, c'est le stress. Ça s'appelle l'eczéma. De l'eczéma ou du psoriasis. Ah, d'eczéma, ouais. Mais ça, par contre, du coup, parfois tu peux. Oui, ça ressemble à ça. Parfois tu peux gratter tellement ça et tu passes sous la peau, quoi. Tu sais, t'arraches. Non, mais c'est ça, ça c'est sur les bras, tout ça, c'est eczéma. Psoriasis, c'est là, c'est comment dire. Non, mais psoriasis, tu l'as sur tout le corps. Les coudes, les genoux, c'est aux extrémités, en fait. Et c'est quand t'as la peau, ou même dans le crâne et tout. C'est quand t'as la peau qui est vraiment tellement sèche. Mais c'est horrible. Après, ça fait des calots et tout. C'est pas sur le. Non, mais c'est pas. Non, ça, c'est du fard à paupières. Non, mais c'est la nuit. je connaissais une femme. Mais tu te maquilles les yeux, magie, Corse. Je croyais qu'elle était magique. Vous avez un beau maquillage aujourd'hui. Ah bah non, je suis malade. Non, je suis. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Eh ben, elle l'avait là. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir tout partout, même dans les cheveux. Psoriasis. Psoriasis. D'accord. Psoriasis, c'est dur à dire. Oui. Ce que je voulais dire aussi, donc, pour cette histoire de pied. Ouais, parce que. C'est que je me suis, bon, après, bon, voilà, au moment, un jour, c'est arrivé. Je me suis évanoui. Alors, c'était la première fois de ma vie. À cause de tes pieds? Non, parce que j'ai enlevé l'ongle, et puis le problème, c'est que vu que je l'avais fait avec une lime, c'est rentré d'un coup, ça a trop saigné. Oh, oh là, mec, là, j'ai envie de vomir. Mal au cœur, là. Puis, poignard dans le cœur. Ah ouais, moi, ouais. Ailleurs, ah bah, poignard, mais. Heureusement que je vous raconte pas ce qui m'est passé il y a 4 mois où j'ai failli mourir, carrément. C'était pire, à part. Eh bah, tu vas nous raconter ça dans un instant. Ne bouge pas de là. On va faire une petite pause, Jérém. Hein, parce que bon, là, on va se mettre un doigt et puis on va vomir. Ah ouais, là, et on revient et on va revenir juste après. Hein. Bon, on se met. Qu'est-ce qu'on va se mettre maintenant du coup? Shakira, tiens, Loca, la version espagnole. Et on revient juste après. Bougez pas. Voilà le son de Shakira avec Loca à l'instant sur Gaume Radio. On est là tous les soirs. Il y a le Milan qui vient mettre un but aussi face au Real de Madrid, ce qui ne m'arrange pas des masses. Mais bon, balle à la face à la Roma, c'est 1-2 pour. C'est un trou paumé. 2-1 hein. En l'occurrence pour la Roma. De quoi? Balle, c'est un trou paumé. Un balle. Trop de balle. Voilà. Oui. Micro, trop de balle. Et Chelsea, 3-0 face à Moscou. 7-0 pour les Marseillais, pour ceux qui viennent de débarquer. Auxerre qui maintient là, hein. 1-0 là, face à l'Ajax. Ça fait quand même 60 minutes qui tiennent. Hein. C'est bien, les gars. Bravo. Bah, franchement, c'est pas mal. Hein. Vous le allez Bayern, perdre à la fin, mais c'est bien de tenir. Bah, on va voir. Hein. On va voir. Le Bayern aussi, 3-0 face à Cluj. Et puis le Sporting Braga, qui tient aussi. Le Portugal, 1-0 face au Partizan Belgrade. Faisons la journée internationale de la danse. C'était celle d'hier, mais c'est pas grave. On voit la vous la remettre puisqu'elle était bien en plus, et on va couper le son du foot aussi hein, parce que le Corse il regarde encore une fois le match, mais bon ouais. Allez, bah, c'est parce que Marseille est pas loin de la Corse, alors c'est un peu la Corse quand ils gagnent, voilà, quand ils perdent là c'est notre île. Allez, c'est parti maintenant, journée internationale de la danse. C'est donc Pierre hier qui a téléphoné pour prendre des cours de danse et demander l'avis également de la meuf qui fait les cours de danse. Allez, c'est parti. Écoutez. Groupe Smoking Chica, bonsoir. Oui, bonsoir, ce serait pour avoir quelques petits renseignements. Oui. Je voudrais faire en fait de la danse. Oui. Mais j'ai peur que ce soit quand même qu'on me dise, ouais, tu fais de la danse, genre, ouh, tu fais de la danse. Ah non, pas du tout. Vous voyez, non, c'est pas comme ça chez vous. Ah non, absolument pas. C'est pas parce que je danse, par exemple, que j'aime les hommes, quoi. Non, pas du tout. On est d'accord que je peux rester quand même viril. On est complètement d'accord. D'accord, mais vous qui êtes une femme, si par exemple un homme fait de la danse, pour vous c'est pas dégradant du tout, c'est pas pour autant qu'il est qu'il perd sa virilité. Ah bah au contraire, moi un homme qui sait pas danser, ça m'intéresse pas à la limite. Ouais, parce que même moi, c'est ce que je me dis pour danser tout c'est bien, mais quand je vais dans un lieu par exemple en discothèque ou autre, oui. Jamais je danse quoi, j'ai juste mon verre d'alcool. Voilà, du coup ça sert à rien. Bah ouais, c'est pour ça. Voilà. Non mais y a un cours qui est vachement bien, du coup ça s'appelle Dancehall. Ouais. Je sais pas si vous avez vu sur le programme. Et effectivement, du coup, c'est de la danse qu'après on peut reproduire n'importe où en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'en boîte, si je reproduis ça, limite, ils me diront, lui c'est un vrai mec, mais à aucun moment ils pourront dire, lui dis donc... Non. Moi je veux juste pas qu'on m'appelle Billy Elliot ou... Alors, pour qu'on vous appelle Billy Elliot, il faudrait vraiment que vous fassiez de la danse classique. Je pourrais vraiment pas faire de la danse en fait. Hein. Ok. Parce que à réfléchir, si c'est pour après faire la vaisselle ou des trucs comme ça de femme... Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut laisser aux femmes ce qui appartient aux femmes, on est d'accord? Ou pas. Pourquoi ou pas? Je pense qu'il faut laisser chacun choisir ce qui lui appartient. Non mais d'accord, mais alors quand même, moi si je veux pas faire de la danse. Bah vous en faites pas. Bah d'accord, mais si je veux en faire du coup. Bah vous en faites. Ou pas. Ou pas. Voilà, parce que vous êtes madame ou pas. Je suis madame ou pas, exactement. D'accord, mais bon, vous, ça, d'avoir vraiment un mec qui fait de la danse, ça va pas vous dire pour autant que ce mec-là, il a perdu ses burnes? Absolument pas. À aucun moment? Non, pour moi en fait, un mec... qui a pas les couilles de danser ou d'apprendre à danser alors qu'il a envie de danser, ça pour moi c'est un PD. moi c'est un peu mon cas du coup, hein. Parce que moi j'ai envie et en même temps je me dis si je le fais, je vais devenir une femme et je vais porter des talons. Absolument pas. Absolument pas. Hein, on l'a bien senti à la fin, absolument pas. Bon, et Marseille qui vient de rater le 8-0 là. Ouais, alors... C'est dommage, j'avais pas de gardien dans le. L'arrêt est improbable. Mais je comprends pas, moi, quand ça se passe comme ça, comment les mecs ils restent sur le terrain, parce que moi je me casse quoi. Ah bah, franchement, je me barre, ça me saoule. Non, mais là pour le coup, ils ont mieux fait de pas venir, parce que quand tu déclares forfait, tu perds 3-0 automatiquement. Ouais, putain. Donc la perte 7-0, c'est autant pas venir quoi. Bon, enfin, ils pouvaient pas le savoir, tu me diras. Non, mais c'est pour l'avenir, le coach il va venir. Là, il faut que Marseille soit sport et qu'il les laisse marquer un but. Non, mais non, ils peuvent pas se permettre, là, ils sont tellement à la ramasse que. Et t'imagines à la fin, ils peuvent pas gagner à cause d'un but dans la différence de but. Ouais, tu vois. C'est vrai, mais là c'est normalement ils sont Fanny là. Au baby foot c'est Fanny cette année. Tu passes en dessous normalement. Ouais, tu passes sous le. Donc là comment tu fais pour passer sur le terrain là? Tu demandes à René Tu passes sous la femme de l'entraîneur. Moi on me disait de passer sous le terrain mais sous le bureau mais ouais. C'était Fanny. C'était pour autre chose. Ouais, c'était Fanny. C'était Fanny sous le bureau. Dès que je perdais au baby foot. Sous le bureau. Ouais, sous le bureau. Et même avant d'ailleurs, peut-être. Bon, de retour, il y a Alex qui est là maintenant et puis on récupérera Jérém. Alex, est-ce que tu es là, Alex? Oui, oui, oui. Ça va bien, Alex? Ouais, ça va nickel. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Alex. Tu appelles d'où, t'as quel âge? J'appelle de Grenoble et j'ai 23 ans. Et tu as un téléphone de merde. Bah oui, ça coupe. Ça le fait rire. Attends. C'est la résidence. Faut répéter, il vient de Grenoble. Donc c'est ah oui, c'est la ville d'Elisabeth d'ailleurs, hein, Grenoble. Hein, je tiens à le rappeler, on devrait l'avoir tout à l'heure au téléphone, Elisabeth. C'était à la demande sur le groupe Facebook. Bon, Alex, de quoi on parle avec. Non, tu sais quoi, Alex, on va te rappeler parce que c'est pas possible. D'accord. On va te rappeler. Bouge pas. C'est Vincent qui va s'occuper de ça au standard. On va le rappeler de suite. Et on va terminer avec Jérém en attendant. Allô, Jérém? Oui, je suis là. Oui, Jérém, parfait. Donc, on en était où alors, Jérém? Je me souviens plus maintenant avec la pause, tout ça. Pied, et maintenant, j'allais parler du. Ah oui, t'as failli mourir, juste. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en juillet, pour l'anniversaire de ma mère, on a fait un restaurant, donc je ne citerai donc pas la marque. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, mais tu peux y aller, mais c'est pas grave. C'est quoi le resto, McDo? Ah non, pour l'anniversaire, quand même pas. Buffalo Grill. Non, on sait jamais, hein. Courte paille. Quick. Flunch. Bon, c'était un resto, quoi. Okay. Allez, vas-y, d'accord. Réponds. Non. C'était où? Il veut pas s'afficher. Ah, moi, tu peux me le dire, Jérémy, vas-y. Un partout pour l'Ajax Auxerre. Pour l'anniversaire de ta maman. Dans un resto asiatique, un grand groupe. Non, bon, ouais, j'ai une histoire. Donc, ouais. J'ai mangé une viande qui n'était pas fraîche du tout. Hippopotamus. Buffalo Grill. Mais on s'en branle, c'est pas ça le problème. Bon, alors quoi, la viande n'était pas l'empire fraîche? De la viande. Folle. Il a mangé la vache folle. Et quoi d'autre? Et ben, ensuite, un jour, le lendemain, une petite diarrhée, bon, quand même bien méchant, j'y vais. Une petite quoi? Diarrhée. La dysenterie. Ok, une petite diarrhée donc. Puis je reviens deux heures après aux toilettes, puis je vois du sang partout. Oh non, merde. T'as chié du sang. Non, mais sur le coup, j'avais pas tilté que c'était moi. Donc, bon, voilà. Je me dis, bon, bah voilà, c'était trop chaud, je suis pas un produit ménager ou autre. Puis après, je revois que c'est moi. Et je suis allé vite aux urgences, et en même pas 6 heures, j'avais perdu un demi-litre de sang. Oh, putain. Mais un demi-litre, c'est beaucoup, quand tu en as 5 dans le corps. Mais mec. Mais comment ça s'est passé? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, c'était un microbe qu'il y avait dedans qui me grignotait le côlon. Ah, putain, c'est vrai, ça m'envoie, c'était dans quel sort mangé, de nourriture? Non, mais attends, t'es obligé de le dire, c'est clair. Comment? Dis-nous où t'as mangé, moi j'y retourne plus jamais de ma vie. Non, mais ça sert à rien. Mais non, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec eux, tu vois. C'est un fournisseur, t'en sais rien, tu vois. C'est... Ouais, non, mais le Quick, j'ai déjà trouvé des trucs bizarres dedans, des McDo aussi. Mais oui, et c'est comme le Buffalo Grill, hein. Buffalo Grill, ils avaient trouvé de la viande. De la vache folle. Mais bon, ouais. Qu'il y avait une toxine et tu devenais complètement. Pourquoi s'arrêter? Non, mais moi ça m'étonne pas parce que quand tu fais à la chaîne comme ça et que tu découpes des pauvres animaux là, et ben à la fin, tu deviens crazy. Ouais, ok, d'accord, Pierre. Bon, et donc après, ouais. Non, mais c'est quoi ce truc? Ça m'angoisse, j'ai envie de savoir. Et le pire, c'est qu'à un moment, bah, j'ai été voir le médecin, donc j'ai eu des médicaments et tout, mais le pire, c'est que maman, même quand j'étais debout d'un coup, bah, j'ai senti quelque chose qui coulait le long de mes cuisses. Bah, c'était du sang, ça. Et ta maman? Oh, et ta maman? Dur. T'es sûr que t'es pas une fille et t'as eu tes règles? Non. et ta maman, Jérémy? Bah, écoute, pourquoi ma maman? Mais t'as mangé avec... à part toi quoi, c'est pourquoi ça. Y a que toi qui a eu un truc quoi. Ah, parce qu'il y avait que moi qui avais mangé ce plat spécifique. Mais c'était quoi? C'est Buffalo Grill. C'est un morceau de viande, c'est de la viande. Mais on s'en branle de la marque. Non, mais on va pas se foutre de ta gueule, chérie. Moi, je mange un hippopotamus et j'adore, hein. Mais je veux savoir où c'est parce que j'y retournerai plus jamais de ma vie. Et s'il a pas envie de te le dire, il va te dire, bah, c'est au resto du coin. Mais non, mais donne-nous juste, je sais pas. Mais on s'en branle. Je sais pas pourquoi vous êtes obsédé. Parce que moi, je suis angoissée et j'y retournerai jamais. Eh ben, c'était au resto en bas de chez toi. C'était McDo, Emily. Voilà, t'es bien avancé maintenant. Vu comment c'est cuit là-bas, de toute façon, tu risques pas. C'est clair, bah oui, tu m'étonnes. Tu as pris quoi? une viande bleue. Enfin, ah oui, mais, ah, mais tu cherches les emmerdes. Mais non, mais comment est-ce qu'on peut bouffer de la viande comme ça? C'est dégueulasse. Mais non, c'est la cuisson. Si tu la préfères bleue, c'est très bien. Au resto, si t'es pas sûr du resto, si c'est pas un resto où tu vas tout le temps, tu connais, tu machin, tu ne prends pas une viande bleue. Ça ah ouais, c'est pas. Vrai. Mais bien sûr, la viande crue comme ça et tout, c'est là où tu cherches les baguettes. Tu prends les tartares. C'est pareil, hein. À l'intérieur, c'est super rosé. Alors, je ne vous permets pas de m'appeler cher ami. Car nous ne sommes pas amis, il faut pas abuser. Cher confrère. Je pense qu'une viande saignante à l'intérieur, elle est quand même saignante. Donc, il y a quand même des bactéries qui peuvent encore vivre. Alors, dans ces cas-là, tu manges du tartare ou pas, Pierre? Oui, bah oui. Moi, j'adore. Moi, j'adore aussi. Bah, ça, c'est aussi un nid de merde. Oui, ça, selon tu. Mais moi, je m'en fous. Pierre, j'ai un problème. Je vais pas me priver. Alors, tu fumes plus. Mais tu passes 2 heures au chiottes, tu chies un nid de 200, là, t'es bien ou pas? Oh. Non, mais enfin, tu peux rentrer en parano. Tu fumais plus parce que tu vas avoir le cancer. Tu chies plus parce que tu vas avoir des hémorroïdes. Ah bah oui, mais t'as qu'à faire autant tout mettre de son côté pour choper toutes les maladies possibles. Enfin, chier, mec, t'as pas le choix. Hein, c'est une bonne idée. C'est dit, lui, t'arrêtes de chier, mais t'es obligé de chier. Non, moi j'ai arrêté il y a 2 ans, tout va bien. Je ne suis plus de la gueule, mais j'ai arrêté. J'ai très mal au ventre. Et moi, je ne fume pas en vrai. Hein. Oui, bah bien sûr. Non. Parce que j'ai posté une photo où j'avais la clope au bec et on m'a fait une réflexion, mais Une laideur. Je ne fume pas. Oui, bien sûr. C'est pas bien de poser, c'est montrer. Mais non, mais je ne fumais exemple, pas, c'était pour pas le bien, style ça. Gainsbourg et ça ne va pas du tout, donc je ne fume pas. Et vous avez vu les photos de Michael Douglas? Il y a des nouvelles qui sortent dans les yeux. Mais t'as vu, il a exactement la même tête que Patrick Swayze. Je veux bien voir, moi. C'est terrible. La tête. Ils ont la tête de la mort. La tête du malade. La tête de la mort, mon fils. La tête du cancer. Non, dis pas ça. Non, mais c'est terrible. Non, mais oui, il va mal, oui, c'est clair. C'est Catherine Zeta-Jones qui doit être mal. Tu m'étonnes. Ouais, Jérém. Pour finir, surtout, le pire, c'est que j'avais aucune douleur. Donc limite je m'en serais pas rendu compte, j'aurais pu me vider. Et tu serais mort en fait si t'avais pas eu la curiosité de savoir que t'as pissé du sang. Le pire, est-ce que t'as porté plainte au moins? Sérieusement, j'y ai pensé mais j'ai fait non. Mais voilà, là t'aurais pu prendre 5 millions. Ils ont failli te tuer. Oh, là, c'est dur. Voilà, en fait, t'es pas aux États-Unis, hein, mais t'aurais pu prendre quelque chose, oui. Mais attends, 1 litre 200, t'as 2 litres à 2, t'es marseillais ou quoi? Mais un demi-litre. Allô, c'est un litre directement là. Ouais, lui, il a vu le tunnel, il a vu le tunnel. Mais quand tu te rappelles pas de cette histoire dans le Var, je crois que c'était du côté de Cannes, un type pareil, même cas que Jérémy, avait mangé une viande et le patron du restaurant était condamné à lui rembourser des dommages-intérêts et s'élevant, je crois que c'était 90 000 euros ou 100, enfin entre 90 000 et 150 000 euros. T'es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis resté. J'y suis encore, tu imagines l'angoisse. 4 heures, mais les médicaments, il m'a dit si dans 12 heures ça ne passe pas, vous revenez tout de suite et ça va être opération tout de suite. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mon petit loup, non, t'as dû avoir peur. Oh, mais moi je porte plainte. Ce qui faisait plus peur, c'est qu'en fait, plus le temps passait, plus j'étais faible, un peu comme vous quand vous avez. Ouais, en mode comme un vampire qui veut du sang pour vite être fort, quoi. T'étais en mode Twilight, quoi. Twilight. J'avais plus de force, j'arrivais plus à bouger. Ne me regarde pas comme ça quand tu dis Twilight, parce que tu sais que ça m'énerve. T'étais en mode Twilight. Non, j'ai dit justement, je sentais rien. Il sentait rien justement. Mais t'avais même pas envie d'aller aux toilettes comme si t'avais une gastro? Au début si, mais après ça sortait sans même que je m'en rende compte. Ouais, c'était une hémorragie interne, c'est une hémorragie interne. Mais quelle histoire! Ah bah c'est ça avec les bactéries. Hein. Écoute, merci Jérém, en tout cas, content que t'ailles mieux aujourd'hui au final. Hein. Comme quoi que la petite bête peut tuer la grosse. Hein. Exactement. Il va mettre un cierge au cimetière ou à l'église comme ça. Oui, au cimetière, il va mettre à l'église. Et tu manges de la viande aujourd'hui ou t'es. J'ai passé quand même 2 mois sans en manger quand même. Hein. Ouais, trop mal. Moi ça me ferait de la mal, ça me ferait du mal, ça, j'adore ça. Et est-ce que je peux parler aux antennes encore? Bien sûr. Bien sûr. Il veut te parler aux antennes. Ah oui, il a problème. Des avances à te faire. Pendant le disque, le corps. T'as vu comme tu plais. Putain, ils ont mis une barre. Ils ont mis une barre dans la salle. Les Slovaques. Les pauvres gars. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, salut Jérém, mais on va te. Reste au standard, on va te reprendre dans un petit instant. Ne bouge pas de là. Fais attention à toi, Jérém. Et ils ont mis une barre. Putain, c'est dommage. Hein. Ils avaient failli mettre le but là. Ils ont au moins pu mettre un but face à 7 buts des Marseillais. Bref. Et en plus, pas dégueu, hein. Sinon, il y a Auxerre qui a mis un but 2-1. Contre l'Ajax. Ouais, contre l'Ajax. Et Milan qui a mis un but aussi, 2-1 face au Real. Donc pour mon pari, c'est le drame. Et Arsenal qui perd, c'est le drame aussi. Arsenal qui perd là? Ouais, 2-1 face au. Donc t'as gagné combien là au total? Bah rien. Bah mec, même pas 1 euro. Non, Marseille, t'as gagné pour Marseille. Mais non, parce que j'ai fait une quadruplette. J'ai mis 4 matchs. Ouais, mais faut pas faire ça. Bah ouais, mais là tu pouvais gagner gros là. Ah, mais au final t'as tout perdu là. Ah bah ouais, mais c'est le risque, hein, mec. Hein, 26 euros, boum. Bon, en même temps, je les avais pas payés parce qu'ils m'avaient offert 10 euros BetClick. J'avais joué avec ça, j'avais gagné, j'avais reperdu, j'avais gagné. Donc c'est pas mon argent si tu veux. Donc là, tu vas attendre qu'ils te remettent encore 10 balles dans 2 mois. Exactement. J'attends une offre. Dommage. Tout simplement. Ouais, bah ça arrive, c'est pas grave. Ah, c'est les filles qui vont être contentes, comme ça tu pourras plus jouer les jours prochains. Non, bah si, ça dépend, parce que si si Mika fait un pari, boum, à ce moment-là j'aurai 10 euros de parrainage. Ouais. De parrainage. Je pense que pour le prochain match de la Champions League, c'est ce que je fais. Non, en fait, je vais parier à partir des quarts de finale. D'accord, ok. Bon, bah très bien, on verra à ce moment-là alors. Bon, allez, on va se mettre le son de Bruno Mars maintenant avec Grenade. Et puis il y aura, on se mettra aussi Holiday Peace tout à l'heure, ce sera Superman's Dead avant 23h. Allez, Bruno Mars, à l'instant, c'était Grenade. Bon, c'est terminé, allez, oh là là, c'est pas. C'est trop bien. Non mais attends, c'était bizarre l'histoire que t'as raconté. On regardait les photos de Mickaël. Mais vous échangez des meufs. Mais c'est pas qu'on s'échange des meufs. T'étais trop mignon à Acapulco. J'ai envie de te faire des câlins. Ouais bah c'est laisse tomber là. Là, je suis vénère là pour, ouais, pour le foot là. Dégage tes jambes de moi là. Allez. Ah dur. Ça me fait trop mal. Est-ce qu'on pourra regarder les autres photos? Non. Merde. 5 euros. Bah je te les donne. Si c'est pour te voir à moitié nu, je te les donne. Il laisse tomber. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, on devrait avoir Elisabeth. On a Elisabeth ou pas? Bah elle est où Elisabeth? On va prendre Alex en attendant. Allô Alex. Ouais. De retour, parfait, le son est bon là maintenant, c'est parfait. Allez, bon, nickel. Alex, sois le bienvenu à nouveau donc. Oui. Alors Alex, tu voulais qu'est-ce que tu voulais nous dire? Par rapport aux accidents encore. J'ai écouté un peu vos histoires et j'en ai deux ou trois aussi qui sont... Ah. Ils sont gratinés. Bah, dont une où j'ai vraiment honte, mais c'est vraiment marrant en fait. Vas-y, balance direct celle-là. Direct celle-là, bah en fait, l'année dernière j'étais 6 mois en Espagne. Ouais. D'accord. Et en fait, on avait fait une soirée un peu arrosée, donc j'étais bien bourrasse et tout. D'accord. Et je vais pour vomir. Donc je me mets pour vomir, et en fait, l'abattant WC était en fer. Il est tombé en fait sur la tête et je me suis ouvert la tête comme ça. Oh non, ça Oh là là, putain. Et donc en fait mes potes ils m'ont vu en train de vomir et puis après ils ont vu du sang qui coulait, en fait j'ai fini aux yeux genre. Alors, je sais pas s'il pleure ou s'il rigole. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça. Ouais. C'est pas bête, ouais, bon, comme ça, Mika, on dirait que tu vas me frapper. Bah c'est pas drôle, le pauvre il se tape la tête contre mais ta non, cuvette. Mais non, mais je me demandais s'il rigolait ou s'il pleurait. Mais non, bah, là, il est en train de pleurer là. Mais non, il rigolait. Il souffre. Mais non, non. Ah, tu rigoles. Il rigole. Connard. Je fais de ta gueule alors. Oh bah c'est vraiment qu'un gros con d'avoir vomi dans les chiottes. Mais non, mais c'est tellement con en fait que j'ai honte. Non, mais c'est vrai que c'est comme l'accident con. C'est drôle, con. Après quand on s'en rappelle, c'est drôle. Mais oui, mais c'est l'accident con, ça arrive à tout le monde. Ah, mais attends, quels sont les barbares quand même qui claquent des cuvettes en fer, s'il te plaît? C'est quand même très dur ça. Normalement, c'est des trucs en plastique léger, t'aurais dû avoir Moi, la mienne, elle était en parpaing quoi. Et avec des pics, des bouts de verre. Non, mais c'est bizarre d'avoir une vraie cuvette en fer, quoi, c'est dur. Ouais. T'as pas eu de chat. C'est bizarre en Espagne. Voilà, donc arrête, pose c'est ton bizarre, verre là-bas. On est d'accord, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, merci Alex d'être passé. Ouais, et sinon j'en avais une autre, si j'ai 2 secondes, une rapide. Vas-y. J'ai un de mes potes, en fait, un jour qui vient faire l'électricité chez moi. Ouais. Et en fait, chez moi, j'ai 2 circuits électriques. Il y en a un pour les prises et un pour le reste, en fait. D'accord. Et c'est normal, à la base. Si j'ai coupé le jus. Ah oui, t'as coupé le mauvais, toi. J'ai coupé le jus. Et en fait, il va pour toucher la prise, il avait coupé l'autre jus. Eh oui, putain. Oh, là bah il s'est pris 200 balles dans les gueules. Il a tiré contre le mur. Oh mais non, la violence. Ah bah ouais, non, mais gueule, attends, mais putain, c'est ouf ça. Ah non mais il y a pas de, c'est vrai quand t'en prends, il est pas quand mort, prends le une. Mec. Non, mais quand non, tu non, prends mort, non. Non mais quand tu prends 220, t'es pas mort forcément, c'est si tu restes collé dessus que tu peux mais y passer. Tu peux avoir des séquelles. Ouais, je l'ai pris une fois le 220 aussi. Hein. Ah bah ça se voit. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est un peu visible effectivement. Ouais, mais donc t'en parles. Ouais, c'est je veux du fou, mais j'ai mon micro qui pue vraiment de la gueule là. Je suis pas bien. Ouais, t'avais aussi, toi, c'est bizarre. Mais t'as craché dessus, mais. Ah, c'est peut-être pour ça que ça pue. Ouais, ça doit être pour ça, effectivement, ouais. Oh putain! Jamais faire ce que je viens de faire, hein. Sentir le micro d'ici là, c'est l'horreur. Ah, t'es dur, il en sort la bonnette. Ah, regarde, il y a plein de bactéries sur la bonnette là. 5 balles, je le lèche. Non. Ah, mais tu me dégoûtes. Ah! Tu me dégoûtes. Comment il peut lécher ça? Bon, donc quand même, toute la journée du matin jusqu'au soir, ça parle dans le studio, ça parle. Eh ben, il y a des gens de toutes les catégories sociales. Et là, c'est très dur parce si qu'il y en a. Si tu voyais tout ce que je pouvais lécher. Et qui lécher, parle mec. Dans ces bonnettes. On dit une bonnette ou une belette? On dit une bonnette. Voilà, ce stade-là, on dit et une belette. Je suis hein. Jamais de la gueule, je suis pas de la gueule, non. Moi. Non, ça va, tout est au pied, hein. Tout ouais. Est au pied. Ouais. Bah, le corps se marche super bien. Je suis pas bien là. Ah bah, elle va tomber dans les pommes. Non, mais regarde comme elle est in love. Elle est moustillée là. Alex, merci à toi d'être passé. De rien. Gros bisous à tout le monde. Et bah, salut. Allez, merci à toi. Bonne soirée. Salut Alex, à bientôt. Un gros bisous à Cheyenne. Bisous. Ça marche. Ciao. Merci, Alex. Je t'embrasse aussi. Et donc, ça y est. Bravo. Bravo. Bravo à Auxerre qui a gagné son premier match là. 2-1 face à l'Ajax. Et Marseille qui a gagné 7-0 aussi 7-0. Face à Zili, Liane, machin chouette là. Et puis le Real Madrid qui s'incline et qui perd face au Milan AC. Sporting Braga au Portugal qui a gagné 1-0. Il y a Bayern aussi qui a gagné 4-0 je crois. J'ai plus les autres matchs en tête parce que je les ai plus là sous les yeux. Mais voilà, donc du coup tout ça pour dire que j'ai 80% de victoire hein, mais malheureusement ça ne me paiera pas. Ça suffit pas parce que t'as joué 4 matchs. Et ouais, voilà. Dommage. Dommage d'un coup. Exactement, alors que j'aurais bien pu gagner hier avec Benfica si j'avais pas oublié le 8. Mais c'est une surprise quand même, 7-0. Non, 7-0, oui, pour le coup, effectivement, bah, je te confirme, c'était une surprise. 7-0, oui. Ouais, ouais. C'était une surprise, c'est clair. Bon, Elisabeth, qui est avec nous. Allô, Elisabeth. Allô. Comment ça va, Elisabeth? Elle a perdu son chien, Elisabeth. Elisabeth, Elisabeth. Et alors, ma cocotte, dit qu'on est content. Bon, c'est fini, ouais. Le corps, ça dit quand même, ma cocotte, dit que dit. Non, mais ils ont un problème, ils ont un problème. C'est Nounette. Comment ça va, Elisabeth? Nounette, ça va. Nounette à Mika. Ça va, Nounette? Deux. Ah, j'ai cru la mounette de Mika. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mika, il m'appelle comme ça. Ouais, j'appelle la Nounette. Ah, mais oui, j'ai vu que t'avais marqué ça sur mon Facebook. Faut arrêter maintenant. Faut nous laisser tranquille maintenant, Elisabeth. Mais je crois que tout le monde m'aime pas. Oh! Mais non! Tu vas commencer. Mais ne dis pas ça. Mais si, tout le monde m'aime. Et paraît-il comme quoi j'ai reçu plein de messages d'amour aujourd'hui. Oui, bah, tu vois. Toute la journée. Et comme par hasard, c'est arrivé hier soir. Ah, t'as vu comme par hasard, hein? Ouais. Et vous savez, moi, quand j'ai élevé 9-10 mois, bah, Elisabeth, elle a failli mourir. Oh. Toi aussi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, vous savez, moi, je marchais à quatre pattes. Bah, normal, hein. Ça marche à quatre pattes. Et ça ouvre les placards, ça fait plein de conneries, quoi. Alors, ma mère, donc, elle appelle une nourrice, elle dit à la nourrice, voilà, je vous confie Elisabeth et tout. Et ma mère, elle allait à une fête et tout, avec des amis et tout, elle me laisse carrément avec la nourrice et tout. Et donc, ma mère, elle part et tout. Et donc, la nourrice, donc, je sais pas, elle voyait la télé et tout. Et puis, moi, je marche sur quatre pattes, je vais à la cuisine et j'ouvre le placard. En bas, il y avait un placard et il y avait donc des bouteilles. Et moi, je prends une bouteille et je commence à boire. Après, je suis devenue toute bleue. Oh, ma pauvre. Je sais pas comment je faisais tout. Que la nourrice, donc à un moment, elle m'entendait plus, elle me voyait plus. Elle va à la cuisine, j'étais assommée par terre, j'étais bleue. Bleue. Oui, mais c'est normal en même temps. Hein. Donc, j'avais bu de l'eau écarlate. Ah, putain, et c'est non. Bon ou pas? C'est bon ou pas? Non, mais c'est pour ça que t'es comme ça aujourd'hui. Et boum, la tête aussi, que t'avais ramassé le paquet, parce que j'étais tombée en arrière et tout. Et donc, elle a appelé la SAMU. Et tout. La toute c'est la le SAMU, on dit pas là, on dit le. C'est-à-dire que tu as failli mourir, Elisabeth. Ouais, et donc, le SAMU, elle est venue. La SAMU, elle est venue. Et donc, elle me met et tout. J'avais des tubes de partout et tout. Et après, donc, la nourrice, elle appelle ma mère et tout. Ma mère était comme une folle, elle était affolée et tout. Alors, et tout. Ouais. Elisabeth. Ouais. Et tout le monde, tous à l'hôpital et tout. Ils pleuraient tous et tout. Et tout. C'est-à-dire que tout le monde pleurait, Elisabeth. Et tout. Et après, j'étais dans le bloc et tout. Ma mère, elle m'a dit, j'étais dans le bloc et personne voulait qu'on me voie et tout parce que j'étais entre la vie et la mort. On m'a pris tous les tuyaux et tout. Mais c'est toujours, Elisabeth, t'as toujours des explications tellement longues. Ah oui, ton histoire au début elle est bien et après elle devient chiante. Mais tellement longue. Mais après, je suis sortie d'affaire, je suis guérie. Ah bah oui, on l'a bien remarqué. Non, Elisabeth, reste là 2 secondes, on va te reprendre en Corsica. Mais par contre, ma mère, elle a foutu une patate à la babysitter. Bah normal, elle a eu raison. Elle a porté plainte, elle a demandé des dommages à intérêts. Hein. Ma mère, elle a gagné. Hein. Ah bah elle a raison. Hein. Elle a gagné la thune. Hein. Oh bah c'est bien, dis donc, et c'est grâce à ça que tu nous envoies des colis. Voilà, ouais. Bah voilà. Grâce à ça, Et puis, parce que Elisabeth aussi, elle était malade aussi à la naissance. Moi, je suis née, j'étais bouboule et tout. Eh bah oui, bouboule, j'imagine. Bon, Elisabeth, chacun a droit à une histoire. Hein. Tu as déjà raconté ton histoire, c'est le moment pour la nuit. Elisabeth, reste là. Le Corsica Show peut-être tout à l'heure. On va prendre également Keda également pour les places de concert. Là, David. Salut David. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bienvenue à toi David. Tu voulais choper les places de concert pour Sum 41? Ouais. Eh ben, deux places de concert pour toi, c'est gratos. Oh, putain, c'est David. Trop simple. Sum 41, ah ouais, donc ce sera à Lille. Ben bien sûr, à l'Élysée Montmartre, c'est pour toi, c'est gratos, David. Oh, putain, trop bien. Tu vas avec qui? Avec mon frère. Eh ben nickel, amusez-vous bien. T'es sûr que tu veux pas m'amener? Non, parce que tu travailles toujours là, je crois, non? C'est pas un dimanche? Ah, je sais plus. Ouais, c'est un dimanche. C'est un dimanche? Ah, ouais. Bah d'accord, ok, très bien. Bon, oui, alors tu peux emmener Émilie si non, vraiment, vas-y avec ton frère. Vraiment, t'as personne. Je te conseille pas, mec. Elle est relou, ouais. Elle est hystérique en plus. Elle est cool au début, tu crois que tu vas te la faire, tu te la fais pas en fait. C'est clair. Ça veut dire qu'ils ont essayé de... Émilie. Ouais bah ouais. Tu es en position de force, chérie. Je vais garder leur dignité là, mais... Elle va juste sentir le chibre et puis c'est tout. Oh, elle fait pas ça, elle bouffe le chibre. Oh, mais c'est dégueulasse. C'est fou tous les fantasmes que je vous inspire quand même. Non, moi pas non, cela. Il y en a plein, mais je peux pas dévoiler l'antenne. Bon, salut David. Salut. Allez, à bientôt. Ciao, David. Et reste au standard, on va prendre tes coordonnées. Ne bouge pas de là, David. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il voulait le Corse tout à l'heure, l'auditeur là, qui voulait te parler, Alex? Non, il voulait ça. En fait, il descend en Corse prochainement et il voulait me demander quelques lieux où c'est qu'il pouvait aller, tout ça. Il est pas con, l'auditeur. Eh, tu l'as donné que des lieux où il y avait des risques d'explosion, tout ça. Non, non, chez nous il y a plus de risque d'explosion. D'ailleurs, si tu lisais la presse, donne-moi le dernier cas. Vas-y. Ça c'est pas vrai. Moi, à chaque fois que je rentre à Corté, c'est un feu d'artifice. Ah bon? Biou. Je comprends pas. C'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet que tu es. Non. C'est vrai que ça fait un petit moment que ça pue. Ça vient faire des midi. Non. C'est le 2. C'est donc raté. Donc voilà, il voulait ça, avoir quelques endroits où aller. Excuse-moi. D'accord, okay, très bien. Bon, donc concrètement, si jamais vous avez envie d'avoir des conseils, nous avons l'agence de voyage ici, hein, il y a pas de problème, c'est surtout pour la Corse évidemment, vous pouvez y aller, il y a pas de problème. Ouais, enfin toi aussi, vous demandez, tu as pas mal voyagé, tu peux. Ouais, mais toi, moi j'ai jamais fait la Corse pour le coup, hein. Non, mais je veux dire que si demain quelqu'un veut aller style là aux Bahamas, tu peux leur dire que c'est bien. Oui, tu vois, oui, ou à Cuba, oui. C'est vrai, tu peux servir d'agent opéra. Opéra. Voilà, oui, opéra. Si vous voulez aller à l'opéra également, c'est possible. Bien opérateur. Bon, on revient dans un instant. Holiday Peace, ce sera Superman's Dead. Et si je peux vous conseiller les filles, bah voilà, tiens, pour une fois, on parlait de. On gueulait. Et elles sont à la foutre, elles sont occupées sur leur iPhone. Ah, mais je sais pas, quand je rigole, tu me cries, quand je te parle, tu me cries. Mais oui, parce que vous êtes en train de vous faire des trucs, on sait même pas pourquoi vous rigolez, vous étiez entre vous. Si je t'écoute. Mais c'est attends, pas je vrai. Rigolais pour le truc le 18, c'est ton anniversaire. Ouais. Mais bien sûr, c'est... sauf que je rigole pendant 100 ans, moi, au van. Et moi, le problème, Mickaël, c'est que je rigole avec une demi-heure de retard. Donc forcément. Non, c'est qu'après, quand je me refais la vanne dans ma tête, ça me refait rire, donc je re-ris. Et voilà. Moi, je rigolais pas, je suçais mon pouce tout en écoutant. Voilà. C'est très dur. Arrête, mec, t'es con quoi, ça fait putain de mal au dos. C'est la vanne inutile qui fait mal. T'as en fait. Ça fait deux jours que je fais ça dès que je fais une journée qui m'a bien niqué le dos vraiment. En fait, t'as mal là. Et qui m'a servi à rien du tout dans ma vie. Excellent. Ça cause du siège. Bon, allez, reviens dans un instant. Donc, si je peux vous conseiller, les filles, d'aller voir la tête du mec de Holiday Peace. Vous allez voir que c'est pas mal pour vous, les filles. Voilà. Allez, Superman's Dead, ça arrive dans un instant. À tout de suite. Voilà le son de Holiday Peace à l'instant avec Superman's Dead. Bon, et pour ceux qui n'ont pas vu le match, là, il rediffuse sur Canal Plus au Serre Ajax. Donc, ils vont gagner. Ils vont gagner 2-1 les Auxerrois. Hop là, l'affaire est pliée. Bon, allez, on va se faire le Corsica Show maintenant. C'est parti comme tous les soirs jusqu'à 23h. Allez, hop là. Le Corsica Show. Le Corse est sur Goom Radio. Eh oui, comme tous les soirs, le Corse est sur Goom Radio. Voilà, se non diremo tutti insieme, forse un giorno, pianterà. C'est ce que veut dire, si à force de tirer. Eh ben, on rompra les chaînes. Très belle chanson d'Etienne Madialès, qu'on écoute tous les soirs. Voilà. C'est vrai. Juste un petit clin d'œil pour ce groupe, parce que je les adore. Clin d'œil, moi aussi. Moi, c'est pas mes préf, mais j'aime. Ouais, toi, c'est plutôt Kant, non? Ouais. Moi, c'est Noté. Non, et l'Argouji. Et l'Argouji. Ouais. Plus Kant ou l'Argouji? Ah, plus l'Argouji, je crois. Ouais? Ouais. Ah, moi, je préfère Kant à l'Argouji. Moi, j'embrasse Jean Franché, j'embrasse Bobo, et Émilie. Du groupe Noté, c'est, non? Et David, en fait. Et David. Ouais. Et un petit clin d'œil à Doumé qui est venu il y a pas longtemps. Doumé, bien sûr. Et d'ailleurs, lundi, on va aller le retrouver avec Emily. C'est ça. À la Loggia. À la Loggia. Très bonne épicerie corse. Je vous conseille d'aller là-bas pour les apéros. Et il est venu à Goum en plus, Doumé, il y a pas longtemps, non? Ouais, il est venu à Goum faire une interview. Il est tombé amoureux d'Emily. Ah bon? Ouais, comme tous les corses. Hein. Comme tous les mecs, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Non, c'est vrai, Emily. Arrête. Non, je t'adore. Voilà, mais si, j'aimerais bien passer une petite. Enfin bref, voilà. Il y avait super action. Bon, en fait, il y a une Yuki. Super action, ouais, j'ai dit. T'as dit un super action. Ah bon? Ah, c'est peut-être un lapsus. C'est parce que tu me troubles, ça. Non, elle me trouble. C'est vrai. Donc, il y a Yuki qui fait une dédicace à toute l'équipe, aux Corses, à ma princesse, aux cheveux d'or, à Cendrillon, alias Sandra Goum et à Michael. Donc voilà, ben. Je crois qu'il va arriver. C'est moi, ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bon, on va prendre Elisabeth. Elisabeth, comment vas-tu? Allô, le Corse? Ça va? Bonsoir, ouais. Eh ben, moi, je tiens vraiment à féliciter tous mes fans. Vraiment, mais même... Ah, mais l'autre, tous mes fans. Ouais, sinon... Non, c'est non, mais ça va, Johnny Hallyday. Mon fan, parce qu'ils arrêtent pas de me dire mon amour de Babette, Elisabeth, plein de cœur et tout. Et vraiment, merci à Tania, parce que Tania, hier soir, à 3h du matin, c'est là... où mon Facebook il est né. Ah, ouais. Ah Tania, Elisabeth apparaît dans le monde de Facebook. Et donc Elisabeth a atterri. Ah, ouais. Elle a atterri. Et donc j'ai fait une chanson. Ding dong. Trick or treat. Oui Elisabeth. Allez. Tu as fait une chanson, vas-y, chante la chanson. On va goumer tous les soirs dans le Corsic à chaud. Et bien sûr, ce n'est rien qu'au sur Goum. Grâce à mon Facebook que j'ai retrouvé. Des nouveaux amis très drôles qui délirent. Ma Tania d'amour que j'aime très fort. Mon ami Hugnouf qui est là pour me soutenir. Elisabeth, tu franchement, là, il y a le prochain casting pour la nouvelle star. Et bien sûr, ce n'est rien qu'au sur Goum. Grâce à mon Facebook que j'ai retrouvé. C'est super, Elisabeth, ouais. Franchement, est-ce que toi, la nouvelle star, il y a bientôt le casting, là? Ah, mais voilà. Bien sûr. Bon, sinon, Elisabeth, ça va? Tu es en forme? Tout va bien? Oui, bien sûr. Bon, je te retrouve demain sur le Corsica Show. Ça y est, si ça se trouve, ils vont... Elisabeth. Oui. Je t'ai dit, je te retrouve demain dans le Corsica Show? Ouais. Voilà. D'accord. Je t'embrasse. Non, elle est bien, ta photo, Babette, mais pourquoi t'as des lunettes et tout, et un chapeau et tout? Ben, c'est pas un chapeau, c'est un bandana. Parce que moi, j'aime bien la moto. Eh ben, change, mets des photos de profil en plus. Tu veux pas en mettre une ou t'es en maillot? Ouais, c'est ça. Rajoute-en une en maillot, une en string et une à poil pour les auditeurs et pour ta famille. Mais vraiment, t'as un très beau visage, Elisabeth, sur la photo. Ouais, mais je vous aime vraiment. Ben, nous aussi, on t'aime. Elisabeth, bonne soirée. À demain. On a monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, monsieur. Mon équipe, elle a gagné ce soir. Le corps. Oui. Eh ben, je voulais parler de deux personnes. Je voulais féliciter le président avec ses joueurs parce qu'ils ont fait une grande démonstration. Mais vous étiez pas là-bas, vous? J'étais un très grand président. Mais vous n'étiez pas parti voir le match? Vous n'êtes pas parti voir le match? Je pouvais pas parce que il y avait plus de place dans l'avion du président. Ah, mais c'est qui le président? Pourquoi vous lui avez pas dit de vous garder une place? Alors, après. Mais quel président il parle? Mais pourquoi vous lui avez pas demandé de vous garder une place au président? Oui, au fait, c'est qui le président? Après, vous savez très bien. C'est Fredo? Bah oui. Mais c'est un mytho, il est pas allé voir le match, tu vois pas, il y croit trop, il est chez lui, il est... C'est dur, hein. Et il nous fait croire qu'il coach l'OM. Et c'est le président de l'OM, hein? Monsieur, ma femme. Et oui. Oui, bien sûr. Monsieur. Il est parti, je crois. Monsieur. Et. C'est fini, non, mais c'est bon, laissez-le. Il y a eu assez ce soir, non? Bien sûr. Bon, alors. Le cheval et... Non, mais sérieux, j'ai pas compris pourquoi vous avez pas demandé au président de vous garder une place dans l'avion. Eh ben, il pouvait pas mettre. Oh, c'est dur. Il pouvait pas mettre tout le monde. Mais pourtant, vous êtes son meilleur ami, monsieur. Ouais, c'est ça. Fredo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a une très grosse coupe de cheveux. Donc, ça prend de la place dans l'avion. Mais non, mais je sais pourquoi. Parce qu'il restait une seule place, monsieur. Il a préféré mettre chiffon. Parce que entre... entre Ourasi là qui ce soir a manqué de respect total, il va falloir que tout le monde se calme. Et qui c'est, qui non, c'est on dirait que c'est Fredo. Le défendez pas comme ça, monsieur. Et vous êtes pas non plus, c'est pas non plus votre frère, quoi. Non, bah tout le monde va se calmer. Je préfère le dire direct. Bien sûr, monsieur. Alors après le corps. Oui. Alors je tenais à dire le corps. Oui. Que j'ai vu le Facebook de Elisabeth. Elle est belle, hein. Eh ben, je dois dire que oui. Ah, vous êtes amoureux. Non, ne me dites pas que vous êtes. Il faut se mettre en in relationship avec Elisabeth, monsieur. Ne me dites pas que vous êtes tombé amoureux d'Elisabeth. Parce que c'est le coup de l'année. C'est ce qui puisse vous arriver de mieux à tous les deux. Le corps, je vais faire. Attendez, je vais vous la passer, Elisabeth, deux secondes. Elisabeth, il y a monsieur qui est en train de te déclarer sa femme, sa flamme, pardon. Mais là, tu écoutes ou quoi? Elisabeth? Oui? Bonsoir, monsieur. Eh ben, tu sais quoi, j'ai vu ta photo sur Facebook. Je sais, merci beaucoup. Et par contre, tu sais que j'ai qu'est-ce que moi a fait? T'as fait quoi? Eh ben, je me suis branlée en te regardant ta photo. Oh là! Non. Monsieur? On va vous laisser hors antenne, vous allez prendre vos numéros, vous parler. Monsieur, je plie la bouche. Ouais, il m'a envoyé ce vent de vinaigré là. On a Anthony, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, et vous? Très bien. Tu as appelé, donc ça faisait un petit moment que je voulais appeler et intervenir dans le Corsica Show. Eh ben, donc, dommage. Voilà. Non, j'écoute ce que tu as à nous dire. Ah, c'est bon, un renseignement. Oui. Il y a qui entre vous qui a été au studio de l'École de France? Pardon? De radio. Il y a Pierre et il y a Cécile. Mais ouais. Malheureusement, ils sont tous les deux aux chiottes. Donc c'est je pense clair. Que. Entreprends demain, Anthony, et tu nous. Et tu auras des infos. Ouais, des infos, voilà. Anthony! Et le Corse va te donner des infos également. C'est clair. Voilà. Anthony, bonne soirée. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Une petite dédicace à. Vas-y. À Thomas et puis à Estelle. Ok, super. Anthony, ouais, bonne soirée. Ciao, à bientôt. On n'a voilà, pas eu les deux gogoles, l'autre qui crie tout le temps, là. Ben ouais, ce soir, dommage. Et moi, je vais le faire. Je t'encule, le corps. Je t'encule. L'imitation n'est pas mauvaise, effectivement. Bonne nuit à tous. Bon, et bien, passez effectivement une bonne nuit. On se retrouve demain à partir de 20h, comme d'habitude, évidemment. Avec encore des places pour Sum 41 aussi, qui seront à gagner. Et puis là, on va se quitter avec le son de Usher, maintenant, sur Goom Radio. Usher. C'est DJ Goddess Falling in Love avec Pitbull. À demain. Ciao tout le monde. Ciao.